Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir. Bravo les super-héros, vous êtes bien tous les mêmes. Les super-héros d'Indestar, c'est les PK Avengers. Jusqu'à très tard ce soir. Jusqu'à 23h, 23h30, enfin comme d'habitude, on va un petit peu dépasser quoi, comme toujours. Et que c'est devenu une habitude maintenant à force. On quoi on s'ennuie pas donc. Oui, voilà, c'est quoi. Ça. Alors attendez, moi attendez, j'entends attendez. Ça, je me dis quoi, vous dépassez? Attendez, bah attendez. Oui. Nous avons Théo ce soir. Oui. Ok. Le Théo de Starter. Pareil. Oui. 21h-22h. Ah, mince, ah, mince, 21h-22h sur Starter, ouais. Je suis présent. C'est pas 21h-22h. Ok. C'est, que, c'est combien, Teddy? Vas-y. Je sais pas, 23 par exemple. Non, ah ouais. Non, pas 23. Ah ouais, 22h59. À 22h45. Voilà, donc vous avez plus de retard que nous. C'est du foutage de gueule. En statistique, effectivement, dans. D'accord. Je ne dirai rien. Ouais, fais-toi tout petit, je crois que ça ira mieux, Théo. Ouais, c'est déjà fait, va. Oui, alors que vous avez la solution, il suffit de couper le micro. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça passe. C'est pas Daniel, hein. Mais j'ai aussi cette solution-là dans PK, hein. Oui. Oui, d'ailleurs, tu l'utilises un petit peu en plus. Oh, tu l'utilises. Mais c'est bon, on le casse ne là. Ne tentez en fait, pas. Oh. Hein non, bah, pas du tout. C'est pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en fait. Bon, oui. Écoute, Linda, il y a le choix. C'est soit pour une fois qu'il est là, ou soit on te casse parce que c'est ton retour. Je te prête toute la magie de la radio ce soir. Mais non, mais moi je suis forcément très heureux que Linda soit de retour. Oui, moi aussi. Ah, j'ai cru qu'il allait dire qu'il est très heureux d'avoir 42 ans. Ça fait une voix féminine dans cette émission. Ouais. Ah, il change de ouais, bah, quand même. Pas pour me déplaire. C'est vrai. Fais attention, tu vas être embauché pour Starter à ce rythme-là. Oh, mais il m'a déjà demandé. Je suis déjà venu, c'est très bien, t'inquiète pas. On n'a pas parlé de la Smart. Mais ça va pas tarder, je devais faire un essai d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on va faire bientôt, ça. Ouais, ça ne va pas tarder. Ils vont la raccourcir. Bon, en ce moment, elle est un petit peu, comment dire, marron. Ah, ah. Mais bah, bon, je pense un petit que peu toutes nos voitures sont un peu marron. Sofiane, Théo, il l'a nettoyé forcément. Trois fois. Ah, t'as mais, trois mais déjà. Moi aussi, mais il faut que je frotte en fait. C'est là que je réalise que mes vêtements ont déteint. Ah oui, tu es dans les bonnes. C'est vrai que oui, pour expliquer, Thierry est en marron. Effectivement, ouais. Donc, oui. Ah mais oui, vous avez peut-être eu ça, alors c'est pas partout en France, hein, mais il y a des villes qui ont été touchées par la pluie du oui. Sahara, ce qui fait c'est que ça, ouais. On a une couche de boue sur nos voitures. Ouais. Et petit conseil de starter, vas-y, j'allais choisir un nom. Il y en a encore une. Non mais si vous lavez votre voiture, parce que moi j'ai vu des... c'était une femme, peu importe, mais qui était au lavage automatique. Une femme. Non, parce que c'était le cas, mais elle était au lavage automatique devant ouais. moi, et elle... Elle était à 5 cm, si tu veux, c'est la lance mauvais. Vers ouais. la carrosserie, ouais. alors qu'on parle bien de sable. C'est-à-dire que ça c'est des petits gravillons, ouais. et elle était en train de projeter le sable déjà collé ah là là. Sur, ah, sur aïe, la carrosserie. Aïe. Alors, elle va elle plus avoir de sable, ouais. mais elle va avoir des rayures partout après. Ouais. Donc ne faites pas ça. Que, et si... donc, t'as un conseil sinon bah, c'est de. Bah, effectivement, aller au lavage automatique, surtout pas les rouleaux, hein, mais lavage à la lance et de commencer. Par le haut gentiment, en fait. Une douche, quoi, toute douce. Douce pour que le sable coule sur le capot et les parois. Il y a une autre solution pour pas rayer la voiture. D'en racheter une. Ah non, ça marche ouais. aussi, ouais. Bah, d'ailleurs, bien vu qu'on en parle, est-ce que toi, Teddy, t'as une anecdote par rapport à ça? La bagnole? Oui, par rapport à. Bah, t'en as acheté une il y a pas longtemps? Je la trouve plus crade que les autres, hein, techniquement. Ouais, elle est vachement marron, moi, la mienne, parce que en fait, il pleuvait pas encore quand le matin où je roulais. Enfin, quand c'est arrivé un matin par chez nous. Du coup, j'étais en train de rouler, puis il s'est mis à pleuvoir. Ouais. Ah, et alors c'est de la boue quoi? Bah ouais, c'était de la boue, mais je croyais que c'était la voiture d'en face moi. C'est putain, mais on voit toute sa merde. Tu râlais dans ta caisse quoi? Bah ouais, un peu. Puis du coup, à un moment, bah, le gars il a pris une autre direction. Puis toujours, putain, y a toujours, ça faisait toujours. Si ça se trouve, dans les quartiers chauds, ils se sont affrontés à cause de ça. La bagnole est si dégueulasse que ça. L'eau elle est marron quoi, c'est quoi ce délire? Je comprenais pas, puis au bout d'un moment, je dis, mais c'est pas naturel. On dirait que ça te gêne de rouler dans la boue. Ouais, mais oui! Mon Alpha ne roule pas dans la boue, voyons. Oui, t'avais fini, oui, t'as dit. Non. Eh ben, vas-y, ouais, termine. C'est vrai qu'on pas peut pas noir, lui couper le micro, donc ça, tu lui coupes carrément. Là. Ouais, c'est ça. Et encore, toi, elle est bordeaux. Moi, elle est noire, la mienne, imagine-toi. La eh ben, gueule de la bagnole. Je quoi. Peux t'assurer que tu verras aucune bagnole aussi crade que la mienne, là, ah actuellement, ouais. par moi. Ah bah, comme ça. Je sais pas pourquoi, si c'est le fait d'avoir roulé quand il pleuvait non. et qu'elle a séché après. Je vais t'expliquer pour moi, pourquoi, parce que la mienne, c'est pareil. J'ai pas eu le temps. La couleur. Non mais tu sais, au bout d'un moment, les peintures, elle s'encrasse. Ouais. Ouais. Et ça colle dessus. Ouais. Et ça se colle dessus. D'accord. Donc en fait, quand t'as une voiture, si t'as une voiture bon, qui a dormi longtemps au garage ou une voiture plutôt neuve, souvent, ou alors lustrée, ça va plutôt perler. Ça va glisser, ouais. Et voilà. Et alors moi, que... ça glisse pas, moi. Non, mais parce que la tienne est plutôt âgée et ouais, surtout, elle n'a pas été entretenue. Ouais. Donc en fait. Ouais, je l'ai passé au rouleau il y a une semaine. Mais au rouleau, mais non, mais c'est la pire chose que tu peux faire. Mais c'est surtout que ça ne décolle pas. La peinture est foutue, je pense. La peinture est foutue, voilà. Et il faudrait qu'elle soit polichée, lustrée, etc. Pour ouais, que mais ça ne vaut puisse, pas le coup. Sur une peinture écaillée, ça ne vaut pas le coup. C'est pour ça que les rouleaux, je peux me permettre. Oui. C'est sûr que oui, vu comme ça. Bah tu, oui, peux non, mais ça... tu peux même te permettre le rouleau compresseur qui va la finir. Je peux me permettre le karcher à 5 cm, moi, c'est pas grave. Mais ceci explique cela, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, mais bon. Elle est vachement crade, elle a changé de couleur, vraiment. Oui, Daniel, donc toi, tu as une anecdote. Oui, moi, je voulais dire que j'étais vachement content que ça soit du sable qui soit tombé. Oula. Quoi ? Et que ça soit pas Tchernobyl ou je ne sais quoi. Non, parce que ça aurait été des cailloux, on aurait été mal. Ah hein. Oui, c'est pas pareil. Ouais. Merci, Daniel. Tchernobyl, ma grand-mère, le jour même, je vais la voir, elle me dit « Ah, mais ça me rappelle en 86, quand Tchernobyl, que ça s'est arrêté soi-disant la frontière et tout ça. » T'es en train de me dire que quelqu'un en Ukraine, qu'il y a une centrale nucléaire qui a explosé et que là, ça, on se vient c'est de la même chose. À un nuage radioactif. Super. La thèse complotiste. Et ben, figure-toi, c'est la première chose que j'ai pensé quand je suis arrivé au boulot avec une collègue. On s'est amusé, évidemment, c'était bon enfant. On s'est dit, ouais, c'est la guerre en Ukraine, ils ont fait sauter quelques bombes, ça nous fait un peu de poussière, quoi. Arrêtez, c'est d'accord. Pas drôle. C'est vachement drôle. Non, c'est pas drôle. Drôle, non. Non. J'ai craint que ça soit la guerre en Ukraine, même. Non. Mais après, ouais. Non. C'est vraiment, c'est juste ça. Du sable de Sahara. Donc, ouais. En tout cas, j'étais déçu. Ouais. Thierry et Linda, vous avez une anecdote par rapport à ça? Rien ne dit que ça s'est pas chargé. Enfin, je veux dire, ça vient de tellement loin que rien ne dit. Ça ne s'est pas chargé de tous les polluants que ça a rencontré ouais. Au passage. Ouais. Oui, bien sûr. Par contre, oui. Vous avez parlé de la frontière. Là, on a maintenant la preuve que le vent ne s'arrête pas aux frontières avec ce qu'il transporte. Merci, Daniel. Non, l'anecdote que comme j'ai, si c'est on juste s'en que doutait. Bah, elle est dégueulasse, quoi. Voilà. D'accord. C'est la merde pour nettoyer. J'ai nettoyé. Enfin, j'ai rincé 3 fois. C'est toujours aussi dégueulasse. Ouais. Donc. Toi, Thierry, t'en as. Oui. Non. Alors, oui. J'ai 2 choses à dire si j'oublie pas la deuxième avant la première. Non, ça commence bien. C'est, ce qui me vient, c'est juste un petit nom de vent parce que les vents ont des noms. Je sais. Et il arrive en fait plus fréquemment que ce qu'on a eu là que le Sirocco fasse remonter l'air d'Afrique du Nord. Et donc, dans le sud de la France, ça leur arrive un peu plus souvent que chez nous d'avoir comme ça des retours de sable ouais. Ou d'autres choses. Et la deuxième et chose. Ça marche aussi avec le Volkswagen Sirocco, non? Non. Je pense pas. Théo, non, là, non, t'es pas dans Starter pour les voitures. Okay. Et quand j'ai entendu Sirocco, moi, ça m'a rappelé un vieux film qui s'appelait Le coup de Sirocco ou quelque chose comme ça. Ouais, donc forcément. Moi, ça m'appelle Sirocco la bagnole, de Bergerac. Hein. Exactement. Non, c'est pas totalement la chose. Un bon retour dans la gueule. Je pensais quand j'ai pris ma voiture mardi matin, je l'ai pas prise de bonne heure, donc c'était déjà arrivé. J'ai vu l'état de la voiture. Bon, je me suis dit ce qu'il faut, c'est surtout voir à travers les vitres. Alors, ouais, pas de problème de projeter un peu d'eau devant et derrière, voilà. Mais derrière. Par contre, sur les vitres ouais, latérales, ouais, carrément. C'était collé. Et puis ouais. Alors, t'essayais d'enlever ça. C'était pire encore. C'était la boue quoi. Oui, ça s'étalait. C'était pas super. Puis bon, je me disais, je vais pas y passer 2 heures, faut que j'aille au boulot et je nettoierai après. Ouais. Et je me suis quand même arrêté au milieu du chemin quand j'ai vu que sur mon Louis, il y avait un creux sur une route et il y avait de l'eau dégueulasse. Mais peu importe, j'ai une éponge dans la voiture et j'ai dit, non, sur les côtés, je vois rien. Je conduis depuis une demi-heure. T'as mis la boue de l'eau c'est ça, sur les donc, j'ai étalé avec. C'était dégueulasse, c'était mais bon, je voyais mieux après. Puis l'après-midi, tu sais, j'ai pris un seau, je suis allé à la rivière, là, à la masse, et puis j'ai balancé de l'eau sur ma voiture. Que voilà, les stations quoi. De lavage parce que alors ça a été la cohue hein, aux stations ah de ouais, lavage toute la journée c'était sûr ça et non, mais même encore sûr. Même aujourd'hui ah oui, même non, aujourd'hui le pire c'est que le lendemain il est retombé un petit ouais, peu c'est vrai. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est de nouveau un peu dégueulasse mais, c'est ça. Mais ouais. Pas autant et donc ils vont faire un max de pognon les stations de lavage ah quoi. Bah là c'est sûr qu'ils ont fait leur journée ça, ouais. C'est clair hein. Oh, bon. Leur mois ouais donc ce soir donc et toi Kevin. Alors oui, moi j'en toi, ai t'as une. T'as pas de voiture, toi? Non, j'ai il pas de voiture. Avec la mais... du vélo. Non, c'est donc pour ceux qui ne savent pas, je fais du live et forcément, donc quand il y a eu, il y en a qui ont raconté aussi des anecdotes. Ah ouais. Et il y en a, je l'ai trouvé génial. Il nous fait, oui, alors moi j'en ai eu une. C'était, je suis sorti pour prendre la voiture aussi tout ça. Puis il voit, puis il se repérait à la couleur. Bah ouais. Donc forcément, on se tendouille. Vu qu'on peut pas appeler ça autrement. Il fait 2 fois le tour du parking pour trouver sa bagnole. Il a pas trouvé sa voiture. Ouais. Sauf que c'est qu'après où il s'est dit, ah ouais mais attends ça a peut-être changé de couleur. Bah oui, bien sûr, c'est tout à fait naturel de changer de couleur. Mais oui. Putain, les mecs qui font du live. Ah ouais, non mais. Ils ont pas de cerveau ou bien quoi. Ah non, mais c'est d'un coup, j'ai tu sais dit. Pas pourquoi, mais. Ils sont pas très smart apparemment. Non, c'est on va dire que lui s'arrête plus tard que nous et il se lève assez tôt aussi. Oui, quand il sort, c'est une larve quoi, c'est plus une live. Bien vu, Thierry. Donc ce soir, oui, on va parler radio donc avec tout le monde et. Puis bon, on va faire un petit tour de ce qu'on va faire. Tiens, d'ailleurs, Daniel, tu nous as préparé quoi? Moi, je. Bah, pour une fois, je reste encore dans le cinéma. Bah, décidément. Je vais vous parler de radios qui sont vedettes de cinéma. Ah. D'accord. Voilà. Hein? Les radios vedettes de cinéma. Il y a des radios dans la dans le cinéma, quoi. Voilà, il y a des films où il y a la radio et la radio est l'élément central. Donc, j'en connais un, moi. Moi aussi, ah, un court métrage qu'on a fait. Moi, je connais un élément central aussi. Théo. Bah, la Goudoir. Il est central. La Goudoir de la bagnole, c'est un élément central. Merci, Teddy. Non, mais ouais, on a fait un court métrage. Je sais plus, il est passé. Oh putain. Mais il est passé nulle part. Non, mais si. Pas encore. Si, il a été diffusé lors d'un truc. Le Nikon Festival, je crois. Ouais, alors. Ouais, mais qui regarde les films du Nikon Festival, c'est en fait, un court métrage. Oui, mais c'est en local. Ils ont pu le voir en local. C'est en local, mais c'est disponible partout après. Ouais, c'est un concours. Oui, c'est général. Un concours. En fait, ils font plein de zones locales. Oui. Et après, c'est disponible sur une base de données. Ah d'accord. Bah, si allez vous voulez, chercher. Vous trouver Indestar. Vous ouais, mais c'est voir. C'est quoi ça, le nom du court métrage? Chaque. Donc c'est beaucoup plus merci compliqué là. Vous allez avoir du taf pour ouais, chercher. Je crois ça, ouais, là pour non, chercher. Oui, le ça titre était tellement court qu'ils ont oublié de l'écrire. Il doit y avoir. En vrai, le court métrage est génial. Franchement, j'adore, mais vous pouvez le retrouver. Il y a un meurtre à Indestar. Ouais, ouais, c'est génial. Tu le donnes la semaine prochaine, le titre? Tu le cherches? Ouais, bien sûr. Toi, Linda, tu nous as préparé quoi? Je vais vous parler de mes deux animateurs FM préférés, en fait. D'accord. Moi et qui? Alors, t'as pas écouté ta FM? Je suis en FM aussi. Il est partout, Teddy. Il ouais. est féministe. Ah ouais, toi, Teddy, ton féministe. Quiz, donc, sur la radio, non, pas mais sur quoi, par exemple? Oui, effectivement, je vous ai préparé un quiz. Et ça va être un quiz, évidemment, sur la radio, mais sur la radio. Sur Indestar. Un quiz sur les émissions d'Indestar. Sur la seule vraie radio qui existe. Évidemment, la seule web radio. La web. J'ai intérêt à être bon là-dessus, hein, parce que. Alors, techniquement, techniquement, tu es avantagé. D'accord. Parce que, oui, bah, parce que t'es partout, t'es pire que la peste. Ah, mais non, pas du tout, du coup. Il est partout. Bah oui, c'est con, mais vu qu'il est dans chaque émission, il est dans Actu Solite, donc il a l'avantage de la question Actu Solite. Il est dans l'émission Starter, il a l'avantage de la question Starter. Je suis pas dans PK, enfin, ça ce soir. Hein. Tu es dans Get Stars. Oui. D'autres gens ont été dans Get Stars. Donc il a l'avantage d'être dans Get Stars. Donc tu vas nous faire toutes les émissions d'Indestar. Ça va être drôle, je pense. Depuis sa création Pas depuis sa création, parce que j'y étais pas non plus. Ouais. Pour l'instant, j'ai que 4 questions. Il faut que je réfléchisse à la 5ème. Mais oui, je vais bien trouver. Ah, je peux t'en faire, moi, des questions. Je ouais, mais t'auras la réponse, c'est ça le problème. T'as déjà trop d'avantages. Bah, moi, j'aurai la réponse, mais peut-être pas vous. Ouais, ouais bah non, ça m'intéresse pas. On est statique dans PK. Enfin, c'est ça. Moi, donc, ce soir, oui, t'es pas obligé de lui donner des points, même quand il donne la bonne réponse. Parce que je étant tellement avantageux. Ouais, c'est ça. Je me demande même s'il faut que je réponde en réalité. Ouais, je vais lui donner 0,5 points, tu vois. À la limite, ce qu'on peut faire, il répond en premier et nous on répond après. Ah bah non. C'est bah pas si. Bah non. Bah si, si. Comme ça on a la réponse aussi. Allez, je sais mais ça ne mènera à rien cette histoire. Toi Thierry, tu nous as préparé quoi? Oui, alors moi je me suis intéressé à l'historique de la radio et en fait j'ai vu que l'année dernière on a fait plein d'événements à la radio pour fêter les 100 ans de la radio. Ouais. Mais la radio a pas tout à fait 100 ans, elle a quand même un petit peu plus. Donc d'accord. On verra qu'est-ce qu'on a fêté et en fait on remontera un petit peu aux peu origines pour voir un petit peu ce qui s'est passé. D'accord. Mais comme ça. Quant à toi. Ah, quant à moi. Alors, si Théo est là, c'est parce que bon, je lui ai demandé aussi. C'est on va parler d'Indestar, nous. Mm-hmm. Un petit peu, je vais lui demander des choses. La plus belle des radios. Oui, la plus belle des radios. Donc, ouais. Pour une fois, avec Teddy, on est à peu près à raccord sur nos trucs. De quoi ? Moi, je suis pas là. Non, mais toi, t'es pas là. Oui, mais tu parles des quiz et basé sur oui, Indestar. Vrai, moi, vrai, mon vrai. Sujet est basé sur Indestar aussi. Oui, mais c'est bien. C'est t'as bien fait. Super. Mais, c'est pour bien. Une fois qu'on est à raccord. Tu sais quelle est la date de création d'Indestar ? Non, mais je pense que Théo le sait. Non, mais du coup, je vais l'écrire sur mon arbre. Alors, fais gaffe que c'est une de mes questions. Ouais, mais. Ah, merde. On peut faire quelques calculs pour ceux qui ont vécu la soirée des 10 ans. Alors, on additionne machin. 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale 1. Mais ça veut pas dire. Mais ça donne pas la date exacte. Eh oui. Non. Ni l'heure. Non, mais parce que je l'ai pas vraiment la date exacte, faut que je regarde sur mon agenda. Ah. Tu sais, c'est comme un anniversaire, tu dis, ouais, bon, je sais qu'il est né tel mois, ouais, mais. À peu près quoi. Ce que je te propose. Fais gaffe hein, quand même. Ouais. Mathéo, le temps que tu regardes, au pire, on peut écouter une musique. Ouais, mais avant, Linda voudrait pas parler de ce café. Ça y est, c'est fait. Mais c'est fait, hein, déjà. T'écoutes rien, rien ce soir. Oh là là. Ouais. Mais j'en ai vraiment rien à foutre. Il est à l'ouest en ce moment. Ça fait pas plaisir, t'écoutes pas. On va écouter Nathalie, donc In Your Eyes, qui est de The Weeknd. À la régine, ouais. Voyez. T'as vu un peu, c'est pas mal hein, quand même. On est de mieux en mieux. Et c'est sur Indestar. Manga, BD, musique, ciné, série. Un océan de pop culture à découvrir avec les PK Avengers sur Indestar. N'oublie pas ton maillot. Rapport à l'océan. Bah, ce soir, il y a de la vanne. Ouais. Merci, c'est aussi le moment de le dire. Oui, il y a de la vanne. C'est normal. Hein. Ouais. Putain, quelle concurrence. Non, mais vous avez remarqué qu'il est quand même obligé d'expliquer sa vanne, le monsieur qui fait le jingle. Ouais. Ça veut dire que c'est mauvais signe en principe. Ouais. Le gars. Enfin. Le Vas-y. Gars est obligé d'expliquer le jingle qui explique la vanne alors qu'il a créé lui-même le jingle. Il Ça va dans le fond là. Il s'entraîne lui-même dans sa chute. Quoi. On est dans une inception trop facile. C'est, ouais. C'est qu'en fait, faut expliquer parce que il a créé le jingle mais sur une suggestion il l'a arrangé. Donc il avait peut-être pas tout compris au départ c'est et c'est à la fin il s'est dit ah c'est rapport à l'océan le maillot de bain. D'accord. Voilà, je crois. C'est peut-être mieux d'aller faire un historique quand même. Hein. Il n'y avait pas de bruit de mouche, mais ça vraiment, sérieux, hein. Ouais, c'est peut-être mieux d'aller voir au niveau de la radio les historiques, un peu tout ce qui a pu avoir. Oh, il était une fois la radio. Ça a repris, il était une fois. Aujourd'hui, ça paraît évident d'écouter la radio un petit peu partout. Et d'ailleurs, on peut écouter si on a une antenne, on peut écouter si on n'a pas d'antenne, si on a un ordi, si on a un téléphone. C'est aujourd'hui, c'est partout, la radio, c'est quand on veut ce qu'on veut, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et alors, l'année dernière, on entendait sur les radios, tiens, c'est les 100 ans de la radio, etc. Mais c'est pas on a même fait une émission dessus. La radio, vous avez, à votre avis, ça date de quand? Vraiment les origines quand on a commencé? 1515. Wow. Toujours 1515. On a certainement fait des essais depuis longtemps, mais... La voix, transmission de la voix, c'est ça? Le télégraphe. Alors, non, oui, allez-y, tout ce qui vous vient, alors, tiens, on va faire un voix, peu... La voix, c'est aux environs de 1910, j'ai plus l'année exacte. 1785. Non. Oui, on a toi, tu remontes loin, t'es dit. Ouais. On a fait des essais entre 1919-1910. C'est pas forcément les dates précises que je veux, mais j'aimerais qu'on remette dans l'ordre. Moi, le télégraphe, ça m'intéresse aussi. Ouais. Qu'on remette un petit peu les choses dans l'ordre. J'ai passé des bip bip bip bip bip. Et là, ça voulait dire je le morse. Ouais. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que le premier code qu'on a fait passer, qu'il fallait décoder, c'était le morse. Mmh. D'accord. À quoi ça a bien pu servir dans l'histoire de la radio, le morse? Qu'est-ce qui vient spontanément? Très bon animal. Qu'on le dise à n'importe qui et peut-être à des gens d'un âge certain ou d'un certain âge. La communication, quoi. Voilà. Ouais, la communication, mais pourquoi, à quoi ça a servi le. J'aimerais bien dire des pranks, mais ça m'étonnerait. Des informations. Ce serait étonnant, ouais. Transmettre des informations et cryptées. Eh oui, ouais, eh oui. La guerre. Ça veut dire que la radio, ça n'a pas toujours été un moyen de transmission, de divertissement. Ouais, non. Hein, ça a été utilisé pour communiquer des informations sur l'avancée, notamment de l'ennemi. Ouais. Ici, le général de Gaulle. T'imagines en morse, bip, bip, bip, bip. Non, mais les fameux. Non, mais t'as raison, hein, les fameux appels 18 juin 40, et voilà, bon, c'est connu. Ouais, c'est connu comme étant une grosse émission de radio. Hein. Ouais, c'est vrai que. Oui, c'est vrai. Dans l'histoire, ouais. Bon, il reste des choses pas forcément très claires autour de ça d'ailleurs, puisque l'enregistrement que l'on retrouve est un enregistrement qui a été refait, qui a été diffusé quelques jours après. On n'a pas l'original. Bah, on peut se poser des questions. Ouais. Pourquoi ça a été refait? Bah, ils ont utilisé Adobe Audition pour qu'il paraisse plus clair. Non, mais en tout cas, même tu parlais de la guerre, de la résistance et les messages codés. Alors c'était des messages audio, mais en codé. Le pigeon est sorti du poulailler. Oui, voilà, exactement. Mais ça a eu un impact sur le aussi, le moyen de communiquer, mais même plus que ça, c'est-à-dire que sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le déroulé de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance. Et ça veut dire que quand on a pu communiquer de la voix ou de la musique en dehors du morse, on a encore utilisé le codage, mais en fait à travers les chansons notamment. C'est comme ça qu'on a pu dire les Allemands avancent, etc. Je sais plus quelle chanson célèbre a été diffusée, mais le Poussin Pillou. Mais on s'en est servi autrement. Donc ça date un petit peu avant 1900, hein, la radio. Moi j'ai trouvé plusieurs choses, mais vers 1898, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a comme technologie à la base pour faire de la radio. Oh, bah, vous devez savoir ça. qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qu'on fait, etc. Une antenne, un émetteur et un récepteur. Ouais, c'est ça, de l'hertzien, quoi, de parler. Ouais, alors hertzien, très bien, parce que monsieur Hertz a participé parmi toutes les découvertes qu'on a mises ensemble, hein, monsieur Hertz, il a participé. Et comment est-ce qu'il a pu réussir à découvrir que quelque chose passait? Moi, j'ai été voir ça dans un épisode de Jamie. Ah, génial. Est-ce qu'il se serait pas inspiré des bruits qu'il aurait pu entendre dans la mer, je sais pas, les sonores et tout ça? Alors, c'est tout à fait possible, ça n'a pas été expliqué là, mais c'est tout à fait possible parce qu'en fait, on nous a montré une expérience où on voyait des barres, comme des tiges filetées, si vous voulez, et le but, c'était de voir qu'il y avait quelque chose qui passait d'une tige à une autre. Et en fait, Jamie nous a montré tout simplement qu'à partir du moment où il passait des... Comment est-ce qu'on appelle ça quand ça crépite? Vous savez, même vous écoutez votre radio et des interférences, des je trouvais le nom, mais peu importe, rien que ces qui sont passés, il a dit mais à partir du moment où je perçois que quelque chose passe, c'est qu'il y a effectivement ça c'est dans l'oreille, c'est pas pareil. mais voilà, ça a été montré comme ça. Et puis après, donc il va y avoir les évolutions petites ondes, grandes ondes, etc., machin. Il y a d'autres chercheurs qui ont été très importants, et notamment un Marconi. Ça vous dit rien, ça pâté Marconi? Ça sent la mafia italienne. Il était charcutier, il faisait du pâté. C'était le pâté Marconi. Ils sont là. Ça sent la mafia italienne. Moi, je préfère l'explication à Teddy. Moi, j'ai vu sur des vieux appareils. Enfin, quand mon grand-père était encore vivant, il avait des vieux appareils et pâté Marconi. Je me rappelle. Ben c'est ce que je disais, le pâté Marconi. et donc c'est grâce à monsieur Marconi en fait que se sont développées les diffusions de la radio. Donc commercialement, c'est-à-dire fabrication aussi des postes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans tout ce que j'ai regardé, j'ai entendu les anecdotes sur la taille que faisaient les postes de radio avant. C'est comme si vous avez entendu parler des premiers ordinateurs. Aujourd'hui, c'est tout petit. Aujourd'hui, c'est même l'ordi, mais même quand on se promenait, enfin, j'ai parlé il n'y a pas très longtemps, quand on parlait du rap ou du hip-hop, qu'on se trimballait avec les gros postes, c'était des gros, mais c'était rien, quoi. Avant, oui, c'était un meuble qu'on ne déplaçait pas, quoi. Il était au centre d'une pièce et il avait vraiment. C'était le salon, en fait. Vraiment, c'est ça, vraiment sa place. Et c'était institutionnel d'aller de le mettre en route. Oui, mais du coup, pas tout le monde en avait, je suppose. Ah bah non. Non. Ah bah non, clairement pas, mais c'est vrai qu'il avait le rôle, alors que je vais même pas dire que la télévision a aujourd'hui, parce que c'est plus le cas, mais on va dire que vous avez peut-être connu dans les années 80 ou 90 le rôle qu'a eu la télévision par la suite, c'est-à-dire que c'était central dans le salon, en face du canapé, où tu allumais le poste le soir, et notamment pendant la guerre pour entendre les messages de la résistance, etc. Et c'était un élément central de la pièce moderne, on va dire. Et dans les années 60-70, il y en a encore qui mettaient la télé sous clé pour voir. Oui, dans le meuble, tu ouvrais le meuble télé, mais le meuble radio, c'était un véritable élément de salle à manger. Ça me fait penser d'ailleurs que j'ai l'image d'une télé qui avait une clé sur là où on ouvrait les commandes, il y avait une clé. C'est vrai. Alors, t'as même plus loin encore, t'as même les télés avec des petits boutons à tourner. Non, avec des pièces. Hein ? Qui fonctionnaient avec des pièces. Mon père avait ça. Avec des monnayeurs, Alors ils avaient truqué le truc, évidemment, on a récupéré la même pièce. Oui, parce que pour une télé personnelle, c'est un peu chiant quand même. Ouais, mais c'était une télé personnelle. Il aimait bien cette télé. Ok. Mais pour en revenir, si vous vous rappelez du film, c'est quoi, Hibernatus, qu'il découvre justement la télévision à la fin, mais c'est sous un meuble sous clé, comme ça, il ouvre le meuble et il découvre la télévision. Mais qui pourquoi est, tu vas rire, mes parents avaient un meuble télé où t'avais deux portes et tu pouvais les fermer. Mais la raison, c'était quoi, pour protéger les gens de ce qu'il y avait à la télé? Non, c'était en fait le rapport à la technologie, le fait de mettre une télévision dans un meuble. C'est une technologie un meuble moderne, du coup tu le fermes pour le mettre protégé en fait. Voilà. Alors, non, mais il y avait ce côté-là, mais il y avait ce côté aussi... très... comment dire, c'était un peu aussi une récompense de regarder la télé. Ah oui, tu vois ça comme ça aussi, oui. C'était à la fois un plaisir, ça devait rester un plaisir, donc pas tout le temps, ça devait pas perturber les gens dans leur journée, dans leur travail, que maintenant, si tu veux t'asseoir, prendre ton smartphone, l'écran d'ordinateur ou la télé, tu t'assois 10 minutes. Ouais. Mais à l'époque, non, fallait... C'était exceptionnel. Beaucoup de familles, c'était d'abord exceptionnel, et fallait avoir fait son travail de la journée, les corvées c'était des gamins, etc. C'était des rendez-vous comme on a pu avoir, moi je pense qu'on était jeune, jeune avec la télévision aussi, où il y avait les rendez-vous, genre le film du dimanche soir. Ouais, exactement. Et à la radio, c'était ça, il fallait écouter. Il y avait, oui, des feuilletons radiophoniques. Ouais. Y avait, c'était. Oui, oui, il y a eu d'ailleurs le célèbre feuilleton radiophonique d'Orson Welles qui faisait croire aux États-Unis. Alors oui, ouais. Alors, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une lecture du Meilleur des Mondes ou quelque chose comme ça, oui. Qui a été tellement bien lue avec le ton qu'il faut, qu'on raconte que certaines personnes auraient un peu cru que la catastrophe arrivait et qu'on était envahi par. C'est la fin du quoi. Monde, mais pas en 2012. Bon, c'est un peu de radio. Ouais. Mais bon, on dit, voilà, certainement, c'est ça. Certainement un mythe, on a voulu faire monter la sauce, mais effectivement, c'était une expérience radio de lire une fiction et de voir ce que ça pouvait donner. C'est là d'accord. qu'on voit que l'imagination est super, super importante. Alors, radio, c'est, enfin, moi, je pense que c'est l'un des points forts de la radio, c'est de ne pas montrer le rêve. Pas voir le visuel. Mais oui, mais en fait, tu ne. Pas montrer le rêve ou le cauchemar d'ailleurs, mais non, c'est selon. Tu fais vivre le rêve parce que c'est ton imagination qui va travailler dans la radio au même titre qu'un livre. On entend ta voix, on se dit putain, peut-être qu'il est sexy. Ouais, et vous voyez et ben beaucoup moins. Et comme les voix dans les gares ou je ne sais trop quoi, où tu essayes d'imaginer la personne qui est derrière, et le jour où tu vois un reportage dessus, tu dis ah ouais. La meuf de la 7ème. Mais t'as envie de la baffer par contre. J'ai eu le cas en réel, une standardiste, une femme, une réceptionniste. T'as vu la fille de SSF ? Non, mais qui avait une voix extraordinaire. Ah. Et un jour, je me suis retrouvé en déplacement dans cette entreprise. Et elle, t'es moche. C'était une voix de. Tu donnais 25-30 ans à la femme. Ouais. Elle avait 50. Elle était proche de la retraite. Hein. J'aimerais rajouter un truc sur la voix parce que c'est important. On a cette chance à la radio d'entendre notre vraie voix parce qu'on a des casques. Il faut savoir que quand on est dans la vie normale, on a une vibration dans la mâchoire, tout ça, et on n'entend pas notre vraie voix. Donc ce que vous entendez là, c'est votre vraie voix, mais c'est alors pas dans le casque, je m'entends alors, pareil que. Non, oui, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire si on écoute en podcast, par exemple, que vous pouvez faire d'ailleurs sur indestar.fr, sur Podcast Addict, je sais plus où. Spotify, d'ailleurs. Là, dans le casque, tu entends normalement la même voix que lorsque tu parles. Tu penses que c'est. Ah, bah oui, parce qu'en fait, tu as le retour directement. Mais par contre, quand tu t'écoutes. C'est pas pareil. Là, tu sens une différence parce que justement, il n'y a plus cette vibration de la mâchoire qui fait que ça interfère sur la perception que tu as de ta voix. C'est pas un claquement de dents ? Je sais pas. Non, mais c'est pour ça que vous avez peut-être déjà, vous êtes peut-être déjà entendu, que ça soit en faisant de la radio, en faisant un enregistrement, peu importe. Vous avez dit, j'aime pas ma voix. Ouais, c'est ça. J'aime pas ma voix parce qu'en fait, elle ressemble pas à ce que. À l'habitude que tu as, en fait. À l'habitude qu'on a eue, voilà, et tout simplement pour ça. 99,9% des personnes détestent leur voix. Bien sûr, c'est ça. Et puis après, on s'y habitue, si tu veux, c'est comme tout, mais voilà. Je reviens à Marconi. Marconi, 1896, ça va être vraiment le début de transmission radio, d'accord. Où il va rassembler donc les différentes technologies connues pour arriver à faire de la radio. Et donc, parmi les gens qui ont révolutionné les technologies qui ont permis de faire de la radio, il y a donc Hertz, qui est donc allemand, il y a le français Branly, il y a le russe Popov et l'italien Marconi. Et c'est ces quatre-là qui vont permettre. C'est dommage que ça soit Marconi, Hertz qui, par exemple, sur les télévisions. Vision, tu sais, t'as une télé 100 Hertz, ça serait marrant. Une télé pop-off. Ouais. J'ai une 100 pop-off. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas gardé. Ouais, ça passait pas en fait. C'est pas fou. Et pour revenir au télégraphe, parce que c'était important, on a eu l'invention donc de la TSF, donc sans fil, transmission sans fil. Et je me dis, aujourd'hui on a la Wi-Fi, mais c'était une sorte de télégraphe finalement qu'on a créé, le sans fil, ouais. D'arriver à transmettre les wifi, ondes électromagnétiques. Les ondes wifi, ce sont des ondes radio, hein. Donc que ce soit le wifi, nos connexions 3G, 4G, Bluetooth, 5G, le Bluetooth, je crois que c'est des ondes beaucoup plus courtes. Non, mais ce sont aussi des ondes. Ce sont des ondes aussi. Mais, voilà. Ce sont les fréquences qu'a mis en évidence Hertz. Ouais. Après, on les a modulées pour que tout le monde puisse on soit pas sur les mêmes plages. C'est ça. Ouais. Oui, il y en a qui sont à Royan, d'autres à. Exactement. C'est chiant quand on est tous sur la même plage. C'est compliqué, Monde, marche un peu les uns sur les autres. Ouais. les essais de radio en morse depuis la Tour Eiffel, donc 1898, expérience qui a marché entre Tour Eiffel et Panthéon, 4 kilomètres. Et ce qui est intéressant par rapport à la Tour Eiffel, c'est le fait de l'avoir utilisée comme émetteur a peut-être sauvé la Tour Eiffel du démontage. Alors, elle a été utilisée pour faire des expériences aussi, hein. Elle a servi à plusieurs choses, mais on pense que ça l'a rendu indispensable, effectivement. Et ils viennent de leur mettre une nouvelle antenne qui l'a rehaussée de 6 mètres. Voilà, à la la Tour Eiffel. Elle est devenue grande. Elle était pas assez grande. Mais du coup, ils peuvent l'enlever maintenant. De quoi ? Bah, ça ne fait rien maintenant. Bah si. Pourquoi ? Bah, si, la Tour Eiffel. Mais bien sûr on peut se passer de l'antenne. Bah non. Mais pourquoi ? Bah on peut faire autre chose. Bah non, parce qu'elle émet. Bah non, il faut des antennes. Il faut des antennes pour tout. Hein. Pour avoir une radio, dès que tu construis un autre truc à côté. Dès que la transmission d'ondes sans fil, il faut une antenne d'émission et une de réception. Oui, que diraient les insectes s'il n'y en a plus d'antenne. Bah, bon, ça serait des mouches. Monsieur Forest qui rigole fort là. Je t'ai parlé, enfin, je t'ai envoyé sur internet, je t'ai parlé d'un De Forest. Ouais, je le connaissais, c'est l'inventeur de. De la lampe de la triode. Bon, alors parce que en fait, pour passer du morse à la voix, il fallait inventer quelque chose qui permette de transmettre la voix humaine. Et donc en 1906, l'Américain De Forest invente la lampe triode, qui peut transmettre donc des signaux plus compliqués, complexes, si vous voulez, comme la vibration de la voix. Ça fonctionne comment, moi ça m'interpelle. Je vais juste faire une petite chose. Avant le morse, il fallait juste faire un court-circuit, relâcher. Ah ouais, ouais. Et c'est ce qui crée le bip. La voix, pour la transmettre, il faut créer une modulation qui soit entre le court-circuit et donc le circuit ouvert quand on relâche. D'accord. Et c'est ce qui a permis cet élément de créer cette modulation. Mais c'est constant du coup. Ça varie constamment. D'accord. Entre ce qu'on appelle l'état 0 et l'état 1. Alors, d'accord, ça peut être 0,1, 0,2, 0,5, 0,7, 0,81. Ainsi de suite, voilà. Jusqu'à 1. Quoi. Voilà, c'est un état. Je ne parle pas de tension parce que les puristes, ils vont me dire non, il y a des seuils de tension. Non, je ne parle pas de ça, je ne vais pas embrouiller tout le monde. Hein. D'accord. Okay. Alors, je ne détaillerai pas forcément beaucoup de choses, mais il y a une autre nationalité importante, un Canadien qui s'appelle Fessenden, qui a joué un grand rôle parce qu'il a. On est passé, si vous voulez, du jour au lendemain, il a fait les transmissions en mer, etc. Et du jour au lendemain, sur un bateau, ils n'ont plus entendu de morse, mais on est passé d'un seul coup à quelque chose de musical et des essais de voix. Et il l'a fait la veille d'un Noël. Vous voyez, c'est assez marquant. C'est ça, ouais, joyeux Noël. Non, mais c'est clair. C'est ce qu'on raconte. Plus, ça s'est peut-être passé autrement, mais je trouvais ça sympa l'anecdote. Voilà, bah, pour Noël, d'avoir de la musique au lieu d'avoir du morse. Bah, c'est sûr que c'est un peu mieux quand même. Ça adoucit les morses. Bon. Alors, on a fêté les 100 ans, donc l'année dernière, en fait, de la transmission depuis la Tour Eiffel, en fait, de la première émission depuis Radio Tour Eiffel. Ah, ça s'appelait Radio Tour Eiffel. Ouais, ouais, c'est nul. Ouais, ils ont pas cherché à compliquer. Bien trouvé à l'époque. Hein. Et alors, aujourd'hui, la musique, c'est facile, les enregistrements. Mais avant d'avoir des vrais interprètes, des vrais, des vrais orchestres. Ouais, c'était un peu plus dur, ouais. Chaud, hein. Chaud, ouais, bah, mais l'orchestre, c'était pas une batterie, une guitare. Mais ça rendait l'événement unique et ça pouvait donner envie certainement de suivre cette chose-là aussi. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Tiens, on est une web radio. Les web radios, première web radio, 1995. Ah, c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Non, mais bah j'irai avec l'avènement d'Internet. Quoi. Ouais, bien sûr. 95 en même temps. Bah oui, c'est très jeune. Internet. Bah oui. Donc, en 95, donc je sais que c'est jeune. Oui, non, mais c'est le début d'Internet en France, donc ça coïncide, c'est-à-dire que les web radios sont là dès le départ. C'est à l'époque de notre adolescence, quoi, en gros. Hein. Enfin, un peu en France. Toi, t'étais France. Plus jeune, toi. Oui. Oui. Ne me vieillis pas. Vu qu'il a 42 ans, il était plus jeune. Oui, voilà. Forcément, oui. Oui, Thierry. La radio s'est beaucoup développée avec Monsieur Mitterrand. Ah. En fait, il a. Oui, il... oui parce il que a utilisé lui... la radio du coup. Libération de la FM. Oui, il a ouais, sorti ça. La prison, de prison, la radio. C'était plus un monopole d'État, bah, sachant que voilà, c'était peut-être le poids de la guerre, on l'avait utilisé beaucoup. Ouais. Donc bon. Parce que c'est vrai que t'as pas parlé d'offres tout à l'heure, mais quand on disait non seulement bon, c'est un élément central et il y a des horaires pour écouter des programmes, mais c'est surtout qu'il y avait très peu d'offres hein, à l'époque parce que c'était déjà en plus le monopole d'État. Bah ouais. Oui. Alors après, je veux dire, c'est pas constant l'évolution entre les deux guerres, ça s'est quand même beaucoup développé hein, la radio. Après j'ai pas les détails, mais il n'y a pas eu utilisation que d'État par rapport à la guerre tout le temps hein. Bon, par contre après par rapport aux premières radios qui se sont développées, il y en a une, Radio Luxembourg, voilà, des c'est années 60. Ouais. Bon, c'était les radios, ce qu'on appelait les radios périphériques, c'est-à-dire que là tu parlais de monopole d'État, tu avais les radios du groupe Radio France, France Inter, France Culture, etc. Bon, France, ils n'étaient pas tous là, hein. Mais tu avais ces radios-là qui étaient sur le territoire et qui émettaient depuis Paris sur la France, et tu avais les radios périphériques comme RTL, donc du Luxembourg, qui, en étant au Luxembourg, émettaient un peu sur la France, émettaient largement sur la France, voilà, mais n'étaient pas des radios en France. Ils trichent. Puis vinrent les radios pirates, et en fait, bon, on les connaît des années 60, mais depuis les années 25, en fait, la première radio pirate. C'était un vrai pirate, par contre. Bon, oui, c'était ça. Je sais pas si vous avez tous entendu parler de Radio Caroline. Oui, mais vous tapez ça sur internet, vous voyez un superbe bateau avec Mais du coup, qu'est-ce qui définit une radio pirate? C'est une radio qui n'a pas le droit d'émettre. Elle s'incruste. Ah, d'accord. Ça, ouais. Une radio qui est en mer avec un perroquet. Toutes les radios qui n'étaient pas monopole d'État, finalement, étaient des radios pirates jusqu'à la libération de la FM en 81 par Mitterrand. Et Radio Caroline, c'est en 64 sur un bateau danois. D'accord. C'était vrai pirate. Et ils diffusaient quoi en gros? Eh ben ils ont diffusé la première chose, c'était un titre des Rolling Stones. D'accord. Not fade away, ne pas disparaître. J'ai d'autres anecdotes que je n'ai pas écrites mais que je trouve intéressantes. On parlait tout à l'heure, toutes les familles n'avaient pas forcément un poste, c'était central, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, les Allemands n'étaient pas dupes que les Français écoutaient Radio Londres plutôt que Radio Paris. Radio Paris est aux Allemands et ouais, puis que les carottes sont cuites, c'était pas des vraies carottes quoi. Okay. Et donc, ils ont eu, parfois ils sont débarqués, c'est le moment de le dire, chez les gens pour leur prendre leur poste. Mais en fait, la plupart des gens avaient deux postes. Et donc ils donnaient volontiers un poste aux Allemands pour dire bon ben on a plus de radio, mais il y en avait un autre qui attendait. Donc je trouvais ça assez sympa. Peut-être qu'il y a aussi une morale dans l'histoire. Alors c'est triste pour les gens qui tenaient Radio Paris, mais bon, qui étaient collabo avec les Boches machin truc. Bon, en fait il y a eu des règlements de compte, hein, il y en a beaucoup qui ont été exécutés, alors que ceux qui étaient donc à Radio Londres et qui travaillait en faveur des résistants, etc. En fait, il y en a pas mal qui sont devenus célèbres et qui après sont venus faire de, je vais pas dire de la vraie radio, mais enfin bon, qui sont venus développer leur business sans forcément vouloir peut-être au départ en faire. Et je me dis tiens, il y a un côté un peu moral de ce côté-là. Voilà. Mais sinon, bon, j'ai écouté plein de choses, regardé plein de choses. On trouve plein de choses hein, sur la radio. On peut dire qu'ils ont surfé sur la vague. Il n'y a pas beaucoup de vagues dans la Manche. Non, mais non. Non, mais c'est pas exactement ça. Mais disons que tu sais, parce que Radio Londres, De Gaulle, son appel du 18 juin, etc. Ensuite, De Gaulle qui vient en France. Tu sais, c'est un peu, il amène ses petits avec lui. Hein. J'imagine que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Hein. Je vais juste expliquer parce que Kevin a fait un jeu de mots involontairement. Mais. Parce que quand on parle de vagues en France, la traduction en anglais, c'est wave. Et quand on parle des ondes en anglais, ce sont wave, the wave. Oui. Je crois que t'as été trop loin pour que. Voilà. Ouais, je crois que ouais. Déjà. Donc il a fait une blague. Tu pouvais juste dire que dans la Manche il y avait pas de vagues. C'est ça. Ouais. Déjà rien que quand tu viens sur l'anglais, déjà c'est mort pour moi. Oui, mais l'anglais c'est. Et juste pour finir, j'ai parlé de la Tour Eiffel. En fait, la Tour Eiffel, elle avait été construite pour l'Exposition universelle de 1889. Oui. Voilà. Et pour d'autres après, ou pour même ceux peut-être qui ont j'en sais rien. Elle a failli disparaître aussi vite qu'elle l'a fait pour l'Exposition universelle. Et après quoi? Et c'est bien peut-être de lui avoir trouvé une utilité. Et puis aujourd'hui c'est un lieu qu'on visite hein. Tu peux pas enlever la Tour Eiffel aujourd'hui, non, ce prétexte qu'elle sert plus en tant qu'antenne, alors que de toute façon elle sert en tant qu'antenne, mais elle même sert, si c'était plus le cas de restaurant aussi oui elle sert de tout et surtout d'image de la France quoi. Enfin ce qui est extraordinaire c'est qu'elle supporte des antennes et quelque part elle est quand même en forme d'antenne. Ouais, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est... Bah, moi, voilà. Je voulais juste finir sur un dernier truc, c'est qu'on parle de la radio, mais on dit pas ce que ça apporte. En fait, à l'époque, pendant les guerres, tout ça, ça apportait de l'info, pas forcément drôle, mais il y a aussi ce bon côté, c'est que ça apportait le bonheur, d'écouter la musique, de changer, de... Et c'est aussi ça, la radio. C'est bah, apporter le du lien bonheur. Social. Ouais, le fun. On dansait, on... Oui. Voilà, c'était la fête un peu, quoi. Ouais, non, mais il y a tout ce côté fun, les messages qu'il y a eu pendant la guerre, bon, là, c'était pendant cet effort de guerre, mais je veux dire, après, c'est un lien, la radio. C'est, tu utilises des liens entre celui ou celle que t'écoutes ou ceux que tu écoutes et toi ça t'apporte des choses dans la vie, ça a été du partage, enfin c'est toujours du partage, voilà, les personnes qui appellent, qui partagent leur expérience, qui apportent aux autres les, qui se, où il y a des commentaires qui sont faits, etc. Enfin voilà, tout ça, des débats qui se créent, enfin la voix et le partage justement de ça, ça amène à plein de choses. Ça amène aux rêves, ça amène à la transmission d'infos dans toutes les situations, ça parce que non, mais bonne comme mauvaise, vrai, hein. Ça parle. Non mais ouais. dans toutes les situations, je veux dire dans le sens où la voix est le moyen le plus réactif de transmettre de l'information et qui peut être transmise dans n'importe quelle situation, contrairement par exemple à la télé où il faut regarder l'écran, il ouais. faut être, tu vois, à un moment où en fait tu es attentif que à ça. Merci Teddy. Alors que la radio, tu peux alors que la radio faire dans chose. Toutes les situations, ouais. tu peux être sur les chantiers, tu peux être en et train tu de l'oreille, ouais. tu tends tu l'oreille, peux faire autre chose, ouais. tu peux faire autre chose en même temps et tu captes cette information et pour diffuser une information. Je viens de l'apprendre, je te la donne. Voilà, ce que tu ne peux pas faire dans plein de ouais, domaines, le journalisme, ouais, bah, etc. Je suis pas d'accord, parce que quand j'étais à l'école, on m'empêchait d'écouter la radio pendant les cours. Ah, c'est autre chose. Est-ce qu'on m'empêchait d'écouter de la musique ? Est-ce qu'on a fait une radio de ton cerveau pour savoir d'où ça venait ? Non, en tout cas... Non, mais ce qui est, excuse-moi, ouais. ce qui peut être intéressant à faire, vous savez, les archives de l'INA, d'aller voir justement comment la radio a pu être présente sur ouais. les événements historiques, que ce soit mai 68 ou autre chose, c'est super intéressant. En tout cas, là, on a en fond Jérémy Capone en vogue. Oui, et pas en vague. En wave. ouais. Mais en tout cas, bah, ce sera une des stars, comme toujours. Ça change pas. Ouais, ouais et c'est toujours bien. Peck Avenger, c'est comme. Dans OSS 117. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Mais en différent. Alors, je suppose que Teddy l'a fait exprès vu bah le contexte. Bah oui, bien sûr. Vu que c'est un grand gamin, ce Teddy. Je vois même pas de quoi tu parles. Oui. J'utilise simplement mes jingles. Parce que oui, j'ai des. Qui c'est qui vient passer un coup de polish sur ma smart ? Personne passe à côté de Smart. Non, personne, je crois, ouais, oh. je crois que c'est raté, Linda. Et tu peux nous expliquer, Teddy, le principe du jingle, justement, puisqu'on parle de radio ce soir dans PKB. Alors, c'est vrai que. Oui. Un jingle, c'est un son hein, enregistré, préalablement enregistré, que j'ai juste à déclencher. Ah bon, c'est avec pas du direct bouton. Bah, j'imagine qu'à l'époque, ils devaient ah, faire. Mais dans Actu Solide, on fait toujours certains des jingles. Jingle bouche oui. À la bouche. Ce qu'on appelle des jingles. À la bouche. Guitare, à l'harmonica, avec ce qui se présente sous la main, beatbox ouais, aussi. Ouais, c'est fun. Hein, comme dans PKB, on a le goût du. Bon goût. De... le goût du risque, surtout. Ouais, ça, oui. C'est un jingle préenregistré. C'est un son préenregistré. Écrit qui déjà. Qui annonce. Des morceaux, putain, c'est beau. Ouais, qui annonce c'est mieux, effectivement ouais. Ce qui va être, où est-ce que tu es. Ça annonce certaines choses, certaines informations. Là, en l'occurrence, ça annonce, je sais plus. Bah, PK Avenger sur Indestar, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ça annonçait que la voiture était sale, si je me rappelle bien. Et que la voiture était sale. Et avait passé un coup de polish. Et ça montre aussi ça. le ton oui. de ce qu'on va dire après. Donc là, ça va montrer bah, qu'on déconne. Hein, oui, c'est ça. Non, non, qu'on va rester polish. Jeu de mots. Sinon, c'est la polish qui va débarquer. Waouh. Je suis sûr. Oui, donc, à la radio, forcément, il y a un truc qui est essentiel en plus de tout ça, c'est les animateurs. Eh oui. Oui. Donc, forcément, s'il n'y en a pas, bah... Bah, il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de radio. Eh ben si. Détrompe-toi même. La radio, avant tout, c'est de la musique, maintenant. Quoi, alors, parce qu'il n'y a personne qui annonce... Alors, oui et non. Attends, si je peux... Vas-y, Théo. Ouais. Il y a deux grandes catégories de radio. Il y a ce qu'on appelle les radios musicales et les radios généralistes. les radios généralistes, je dirais l'essentiel étant la prise de parole. Donc des animateurs, des journalistes, des intervenants, peu importe. Le point fort d'une radio musicale étant effectivement la musique. Donc en fait, selon la catégorie de radio dans laquelle... On est une radio généraliste ? Non, nous sommes une radio musicale. D'accord. Donc, à l'heure qu'il est, à 22h, si. Non, nous restons de toute façon une radio musicale. Donc l'important, effectivement, vous venez pour la musique. Généralement, vous écoutez une des stars pour la musique. Bon, après, j'espère que quand même, vous appréciez ce qu'on fait. Animation. Faut quand même. Hein. Mais en privilégiant effectivement le contenu musical. Ouais. T'inquiète pas. Sinon, on va le faire en chantant. Hein. Roy. Alors j'y tiens pas trop. Donc les Linda, toi tu nous as préparé tes animateurs préférés. Ouais, on va faire. Alors déjà on va faire un tour de table. Tu veux faire un tour de table avant? Ouais, j'aimerais bien savoir lesquels sont. On va commencer par celui-là qui arrête pas de chantonner. Qui fait le malin. Est-ce que tu écoutais la radio? Est-ce que tu écoutes la radio? Oui. Et qui écoutes-tu? Alors. Bon, évidemment, mon animateur préféré, bah, c'est moi. Ah, d'accord. Ah putain, je voulais le faire. Évidemment. Merde. Mais trop tu facile. Peux la faire, mais autrement. Bon, sinon, non, j'ai pas voté pour toi. Non, ça non, lui non, fait, non, ça lui fait au moins un auditeur. Je suis juste quand même. Peut-être que t'as des souvenirs éventuellement. Justement, on va en parler un petit peu, faire le lien avec les 100 ans de la radio. Là, t'en parlais. Ah oui, il y a 100 ans, t'écoutais la radio déjà. C'est Général de Biot, ton animateur préféré. J'étais encore à l'état de petite graine, je me rappelle très bien. Mais voilà. Non, mais justement, après-guerre, donc il y a des gens qui ont, dont par exemple Pierre Dac, Francis Blanche, qui ont ramené énormément de choses sur les principes d'animation de la télé, de la radio. Ouais. Ils ont fait aussi de la télé, c'est pour ça que j'ai un Qu'est-ce qu'ils ont pu amener pour les personnes qui ne les connaissent pas, si tu sais, Daniel? C'est des sablés, des biscuits. Là, on sent la pâte du boulanger, là. Ouais, toujours. C'est des gens qui ont amené déjà la possibilité de faire autre chose que des émissions musicales ou des infos. D'accord. Ils ont créé le fun. Un peu comme nous, du contenu, de l'information en général. Oui, ils ont créé donc les feuilletons radiophoniques, des émissions aussi un peu comme on fait. Du divertissement. C'est gens qui sont à l'origine de ça. D'accord. Après, bon, il y en a d'autres qui ont repris un peu le flambeau, dont par exemple, qui était un peu dedans aussi, quelqu'un comme Fabrice. Et après, maintenant, je vous laisserai, comme pour les plus jeunes, parler des animateurs plus jeunes. Alors toi, Thierry, dis-nous, est-ce que tu as des souvenirs? Alors, pas plus jeune, parce que je viens d'entendre Fabrice, mais quand j'étais gamin, j'écoutais RTL, et en fait, il y a une émission, alors qui s'appelait Casino Parade, RTL Parade, ce que vous voulez, de midi à 14h, on va dire en gros. Et donc, c'était une troupe qui se déplaçait de région en région. Et d'ailleurs, ils sont venus un jour à la fac des Tanneurs, où j'étais. Ils ont pris l'amphithéâtre, là, ce truc qui servait de cinéma... et ils ont fait une émission dedans, ils faisaient participer les gens, et donc il y avait une espèce d'énorme caravane qui faisait studio, relais, je sais pas trop quoi à l'extérieur, mais je trouvais vachement intéressant qu'on vienne rencontrer la France, quoi, vous voyez. D'accord. Et qu'on fasse des jeux avec, je trouvais ça génial. J'aimais bien cette radio qui se déplaçait, qui était en direct. D'accord. Ah ouais, ça devait être bien. Alors, à l'époque. Tu as parlé de la fac des Tanneurs, c'était dans les années 90 qu'ils sont venus, c'est ça, 80-90? Moi j'ai commencé en 91 et ils sont venus peut-être pas la première année, mais pas longtemps après. Pour la petite anecdote, j'étais à l'émission. J'étais là. Je vais demander à la jeunesse et puis je reviendrai vers toi, Théo, à la fin. Mais alors... Mais lui c'est un passionné de radio, donc il va m'en parler pendant 2 heures, donc je passe par vous d'abord. Tout ce que t'as dit, c'est que c'est pas la jeunesse. Moi, c'est ce que je retiens. Après la jeunesse. Attends, alors l'idée c'est qu'il est plus proche de moi que vous. Voilà. Ouais, mais il est pas de la jeunesse, quoi. C'est moi, c'est ce que je retiens. Bon, bref, tu écoutes la radio, Teddy? Bah non, j'écoute Indestar. Mais c'est la radio aussi. Mais t'as jamais écouté de la radio FM? Si, bien évidemment, comme tout le monde, j'imagine. Et j'avoue, j'étais assez fan de ce que faisait Bruno. Bruno de Fun Radio. Ouais, d'accord. J'avoue, j'aime bien ce type. D'accord. Il est sympa. Il a fait les amours, après c'est moins bien. Et tu l'as connu à quelle époque, Bruno? Quand il était sur Énergie, Virgin? Quand il était sur Fun. Ah, Fun, oui, donc ça fait pas longtemps en fait. Ouais, c'est mais ça. Je suis jeune. Bah oui. Oui, non, ça. Mais d'accord, mais ça fait pas non plus des siècles qu'il était sur Virgin ou Énergie. J'ai toujours connu sur Fun, moi. Oui, donc. Oui. Ça veut dire que. Non, mais ça veut dire quand que t'as commencé. Voiture. Oui, voilà, c'est ça. Grosso modo, enfin. Oui, quand t'as une voiture, en théorie, si ta radio marche, tu écoutes de la musique. Qu'il y a, quoi. Mais souvenirs de radio d'enfance ou d'adolescence, j'ai pas de radio quand j'étais enfant. Je sais pas. Ça n'existe pas. Pourtant, si. Bah, t'as pas connu la valise d'RTL. Non, mais alors si, en fait, j'écoutais une radio quand j'étais plus jeune, avant d'avoir ma propre voiture et tout ça, c'était Nostalgie. Mais c'était parce que mon père l'écoutait. Mais y a pas d'animateur là-dessus, enfin, j'en ai peut-être jamais entendu. Ah si, il y a des animateurs sur Nostalgie. Alors, je dis pas le contraire, mais j'ai jamais entendu d'émission sur Nostalgie. Oui, comme nous, quoi. J'entends que de la musique. Parce que t'as pas écouté la matinale, parce qu'il y a une matinale comme sur les autres. Mais la matinale, je suis à l'école ou pas réveillé? Mais après, oui, dans la journée, t'as souvent les tubes. Et on a la chance de pouvoir entendre Nostalgie quand il y a des chantiers, quand il y a des maisons qui se construisent. T'as les postes radio. En ce moment, à Saint-Ouen-les-Vignes, t'as Nostalgie à fond. Mais oui. Kevin, voilà. Je crois que toi, tu vas avoir du mal à me répondre. Alors, si j'ai bien compris. Moi, quand j'étais petit, bah, c'était déjà YouTube, Twitch qui était venu. Donc, forcément, il n'y avait pas ça. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui, bon, niveau télé, qui étaient connues comme Arthur, qui ont commencé dessus. Ouais. Je sais qu'il y a lui. Ouais. Mais après, je pourrais pas dire. Tu m'en as cité un, ça me va. Ouais, genre. C'est bien. Mais il n'a pas écouté en tant que radio. Non, mais c'était la seule info qu'il a. Il a pas fait écouter, mais il a de la connaissance. C'est déjà pas mal. Oui, c'est. Je sais qu'Arthur a commencé là-dessus. Il paraît que Arthur a fait de la radio. C'était l'animateur du coup de la bonne FM. Il y avait aussi en même temps, d'ailleurs. Qu'est-ce que t'écoutais toi Je pense que t'étais 35 là. Un seul. Et je sais lequel c'est. Non mais j'avais un pseudo, un de mes premiers pseudos radio, c'était Kamax. Et dans Kamax, c'était la contraction de mes trois animateurs préférés, on va dire, de l'époque. Max. Qui était Max, oui, effectivement. Alors Max, le Star System, et c'est marrant parce que là, on parlait de radio, entre autres musicale. Max qui était sur Fun Radio pendant 15 ans, mais sur de la radio libre, donc dans un format plutôt parlé. Voilà, bon, ça c'est effectivement, c'est certainement lui qui majoritairement m'a donné envie de faire de la radio. Tous les délires qu'on pouvait se taper en écoutant Max qui a fait 15 ans le soir sur Fun Radio. Que t'écoutais à pas d'heure le soir. Que j'écoutais à pas d'heure sur l'oreiller avec vraiment, enfin, je pense que c'est ma génération aussi, mais c'est vrai que la radio était un truc où on n'avait pas encore vraiment internet et tout, donc c'était le moyen de s'exprimer. Alors moi je l'ai pas fait, hein. j'appelais pas, mais les écouteurs sous l'oreiller et le lendemain au collège, apprenez c'est un bien grand mot, mais il y avait des délires et qu'on se racontait parler, le lendemain au collège, c'était un vrai sujet de conversation. Ah, t'écoutais Max hier soir, ce qui s'est passé avec la fille et tout ça. Voilà, bon ça faisait partie. Ça te faisait grandir un peu les histoires, bien sûr. Un petit peu oulala des fois. Quoi. Ouais, puis il y avait des sketchs, enfin des choses marrantes. Max aimait bien. Alors ce que j'aimais bien dans le personnage, c'était le fait aussi d'être vachement sur le second degré. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui appelaient très premier degré, qui n'étaient pas forcément hyper intelligents, on va dire, mais il arrivait à en faire des stars de la radio et ça, clairement, ça leur mettait un petit peu de bonheur dans leur vie. Et nous, on prenait aussi ce plaisir-là parce qu'on était dans, entre guillemets, le foutage de gueule, mais gentiment, c'était toujours c'était pas des fois comme on voit aujourd'hui ou même avant on va démonter la personne, etc. Je te prends, fais un clash. Là, en fait, ça a porté aux deux, c'est-à-dire que nous, on se moquait gentiment de la personne, mais elle nous touchait aussi et la personne qui était auditeur, enfin qui appelait, c'était aussi son moment de gloire. Ceux qu'on connu, je sais pas, il y a eu, il y a un témoin, mais je me rappelle plus comment s'appelait, mais de la Courneuve, il y avait Bruno du Touring de Grande-Bretagne, il y avait Gérard, les débats de Gérard, etc. Ah enfin, oui, voilà, tout ça, c'était des auditeurs stars de Fun Radio et du Star System, mais qui aussi, ils ont eu leur moment de gloire, comme ont eu leur moment de gloire, ouais. Jean-Pierre Sauzère et compagnie. Donc voilà, ça, premier, peut-être en first list. on parlait d'animateurs de flux aussi, j'ai souvenir de Cash. Alors je dirais Cash et WF aussi qui étaient sur Europe 2 qui après sont passés sur NRJ tous les deux. Cash, ce que j'aimais bien, c'est que en 20 secondes, parce que quand on est animateur de flux, on vend la musique, mais on donne aussi un petit peu de sa personnalité. Et en 20 secondes d'intervention, il arrivait à faire des vannes, à donner une info avec une chute, etc. Et c'est un vrai talent. C'est une performance. Exactement. Parce que c'est facile de le faire quand t'as 5 minutes devant toi. Quand t'as 20 secondes, c'est du boulot. C'est plus dur. Donc voilà, Cash. Et puis j'avais inclus Manu. Alors Manu, que vous connaissez encore sur NRJ le matin, hein, mais qui à l'époque était dans la troupe d'Arthur. Et puis avec Nagui aussi. Tu en dis trop. Ah bah non, mais je partage mes souvenirs. Non, mais je crois que tu devances justement Linda. Ah pardon, tu voulais dire Manu. Alors je te laisse. Comme elle a dit tout à l'heure, vous avez à peu près le même âge, donc vous avez forcément à peu près les mêmes souvenirs radiophoniques. Mais oui, techniquement, je pense que ces animateurs. Mais par contre, par contre, t'es dit, c'est pour ça que je te posais la question, parce que tu me dis, quand j'ai une voiture, voilà. Moi, j'ai des souvenirs radio beaucoup plus jeunes, alors de mon enfance. Mais parce que t'avais que ça. C'était la mode d'écouter la radio et tout ça. Moi, dans le mode, c'était pas ça. Mais pour moi, l'adolescence, c'est quand même une période charnière où, la radio a eu un impact fort, si tu veux, et on avait notre radio. Alors, moi, j'en avais deux pour le coup, parce que c'était Max le soir. Mais il y avait ce truc de se dire, c'est ma radio et mes animateurs préférés et c'est des potes. Enfin, ouais, c'est un grand frère, en gros, c'est ça, je comprends. Mais nous, notre génération, quand on est à l'école primaire, ça commence par les dessins animés. Et après, ça, c'est les mangas. C'est manga, animés, ouais, tout de suite. Mais j'entends manga. Est-ce qu'il y a radio manga ou un truc comme ça? C'est sûr. Possible, mais ça n'a pas marché des masses. Parce que j'aurais jamais entendu parler. J'en ai jamais entendu parler non plus. Et on en parle suffisamment, les mangas, dans Peak Avenger. Eh ben, figure-toi que... On en parle à la radio, déjà. On n'est pas là pour ça, tout de suite, là, maintenant. Plus tard, dans l'année, on aura une émission dédiée au manga, mais c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, quand même. Non, mais on en parle régulièrement, je veux dire. Bien sûr. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pour le coup, moi, je voulais parler de mes animateurs préférés, mais je vais vous le faire à l'envers. Je voulais vous les faire découvrir et que vous essayiez de trouver. Comment ça, tu veux nous la faire à l'envers? Nagui. Non. L'autre. Alors, c'est qui que t'as dit juste avant? Tu attends. Pardon. Je vais tu vas trop vite. Laisse parler Linda, voyons. Alors, par exemple, mon animateur préféré, l'un des deux, est né à Paris en 71, en 1971, donc il a 51 ans. Le partenaire de Nagui. Et donc, il a été animateur de radio et de télévision. Arthur. En 89, il a été à Fun Radio, il a été assistant, donc il avait 18 ans. Ouais. En 91, il était déjà à Skyrock, Europe 1, Europe 2, et il se faisait appeler Maître Lévy, forcément. Il a été beaucoup avec Arthur, il a eu 15 ans de collab avec Arthur. Le partenaire d'Arthur, ça. Donc on a dit, mais en fait... Manu, forcément. Il l'avait vendu. Manu Lévy. Manu Lévy. Bien sûr, en 2011, il a fait le 6-9 sur Énergie avec Vaché et Elodie Gossoin. Ah, Vaché, c'est bien ça. Voilà. Le 29 mai 2020, l'émission a tellement bien marché qu'elle a été reconduite. Et ils ont même rajouté 30 minutes à l'émission principale, quoi, enfin de départ. Mm-hmm. Et à la rentrée 2020, ils ont changé le nom parce qu'ils ont encore rajouté 30 minutes. Du coup, il ne faisait plus le 6-9,5, il fait le 6-10 maintenant. Mais attends, t'es en train de me dire que Vaché, il est dans... Non, depuis, l'équipe a changé. Bah ouais, parce que Vaché, j'ai toujours... Non, maintenant, l'équipe, c'est Isabelle, Glandu, Odd, qui est au standard. Ouais. Voilà. Et petit aparté sur le fait que, bon, la radio aussi a changé, mais Manu Lévy, qui, au tout départ, effectivement, était sur Fun Radio avec Arthur, en 94, donc il avait, je sais pas, peut-être 23 ans, quelque chose comme ça. Quelque chose, ouais. Il prend la matinale de Skyrock avec JC, à l'époque, les monstres. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y a des petites histoires, mais en tout cas, imaginez maintenant... Un petit jeune de 23 ans prendre la tête d'une matinale des radios musicales de France, c'est plus, ça serait plus dur. Ouais. Alors j'avais envie qu'on écoute, si c'est autorisé par le boss, la nouvelle campagne de rentrée. Si on va faire de la promo pour les autres radios. Non, c'est mais bien. Parce que j'ai trouvé qu'elle était assez fun, donc c'est la nouvelle campagne de rentrée Énergie. Le matin on sort du lit, un peu plus c'est la folie. Avec Manu, ça va mieux. Merci Énergie, exact. D'une heure et demie avec Manu, ça va mieux. Merci Énergie. En boulot, t'es déjà sous l'eau, tu vas craquer, t'es débordé. Avec Manu, ça va mieux. Démarrer bien la journée avec Manu dans le 6-10 sur Énergie. Merci Énergie. Avec Manu, ça va mieux. Et du coup, c'est un 6-10. Il est trop fort quand même. Et alors, Manu, qui est aussi producteur audio. Pardon. Mais tu vas trop vite, Théo. Non, mais c'est parce que c'est pour rebondir par rapport au jingle. Mais tu vas la fermer. Mais oui. Il a plus de micro. La question qui arrivait juste après. À votre avis, Manu a une société de production, mais de quoi? C'était la question qui arrivait. Pardon. De choucroute. J'aurais dû te montrer mon sujet direct. Oh, peut-être. Alors Linda, je sais pas si tu vas être d'accord, mais je pense que Teddy, tu devrais enlever 3 ou 4 points d'office à Théo pour le quiz à la fin de l'émission. Pourquoi? Bah techniquement, on va faire simple. On laisse pas répondre. Vous répondez. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait comme production, Manu? Il a une société de production. J'ai vraiment pas écouté ce qu'il a dit. Bah tant mieux. Donc à votre avis, c'est des productions de son. Des émissions, c'est-à-dire. Des émissions. Non. Non. Il est producteur de son. Des spectacles. Ouais. Musique. Ouais. Il produit des artistes. Allez, je vous réponds. Cette société s'appelle Grelot Productions. Elle est depuis 1997. C'est un peu con comme nom quand même. Hein. Mais c'est Manu. Hein. Et donc, il fait de l'habillage sonore, des prestations de visuel, de l'écriture, de l'enregistrement, du sound design, du montage, du mixage, du mastering, enfin plein de choses. Il y a une boîte de production de son. Oui. Et d'ailleurs, ça doit être l'habillage sonore de Virgin Radio pour Nagui et Manu. Ouais. Ça devait être ça. C'était excellent, les jingles de Nagui et Manu à l'époque. Bah, étaient à l'image de Manu. Hein. Bah oui. C'est-à-dire très complètement déluré, drôle et tout ça. Et malheureusement, pour Énergie, il a pas pu parce que Énergie étant une très grosse boîte qui aime bien tout gérer. Et c'est la production énergie qui gère l'habillage énergie. Vous comprenez le problème qu'on a parce que chez Indestar, c'est Théo qui aime fait l'habillage. Tout gérer, faire l'habillage. Et alors, à votre avis, une très grosse boîte et c'est comme ça. Ah bah là, laisse tomber. Alors, à votre avis, pour qui il aurait bien pu travailler? Parce j'ai l'idée, c'est vraiment con. Hein. Vas-y, Gino. Bah, non, mais je l'ai. Et toi, tu l'as. Bah, du coup, ah, je le dis pas, mais franchement. Vous y attendrez pas du tout. Bah écoute, on les laisse écouter, puis on va voir s'ils arrivent à trouver. Oui, peut-être, parce qu'il doit pas y avoir le nom dans le truc. Et puis il y a aucune chance que vous connaissez c'est parce une production, que. Production donc de. D'accord. Je pense pas que vous allez dans ce magasin, parce que oui, c'est un magasin. Une chaîne. Ça inspire personne, visiblement. Bah oui, c'est même. Je veux pas dire, mais c'est majoritairement une clientèle féminine. Déjà de base. Ah bah c'est pour ça, on peut pas savoir. Non, mais tu peux y aller, moi j'y vais souvent, mais c'est pas. C'est H&M. Non. Eh non. C'est pas des fringues. C'est pas des fringues. Des parfums, Mario Do, quelque chose comme non. ça. Non. T'es pas loin. Comment s'appelle l'autre? C'est ça vert. Touche à l'esthétique. Vert. Yves Rocher. Bravo. Oui. Ah. Un point pour Gryffondor. Par contre, j'avais pas entendu la question, donc j'ai répondu. Ah pardon. D'accord. Merci Théo. Juste parce que c'est vert, c'est pour les filles. Et évidemment pour. Ce méchant. Une grosse production qu'il a effectuée avec sa boîte, quoi. Il a fait l'habillage du 6-9. Donc on peut avoir un petit extrait. Le 6-9, c'était bien comme ça. Bien sûr. Alors attends, c'est où lui par contre? Ah, c'est là. Très connu cet habillage. Voilà. Donc ça vous rappelle des souvenirs quand même. Ouais, ouais. Après, c'était sur une ligne directrice très précise. Hein, parce que le 6-9 avec Bruno Guillaume, d'ailleurs, à l'époque, était déjà sur cette même. Mais c'est lui qui l'a produit du coup. Oui. Avec la boîte Grelot Productions. De Bruno Guillaume à l'époque? Bah écoute, c'est ce qui avait marqué sur ce. Si tu vas sur leur site, tu verras que c'est lui qui a produit pour ça. Ok. Voilà. Okay. Alors on va essayer de le faire pour le deuxième, dans la même manière. Tu vas essayer de les laisser trouver. Ouais, ouais, d'accord. D'accord. En d'autres mots, tu la fermes. Alors le second, un grand homme. Parce que, alors, moi, ce que je trouve. Avec celui-ci, c'est qu'il a eu une carrière mais phénoménale dans la radio. C'est un truc de dingue, hein. Vous êtes prêts? Il y a 40 millions de dates. Hein. Oula. Par exemple, déjà, il est né en 1972 à Saint-Quentin, donc il a 50 ans, tu vois, c'est les mêmes âges. 50 ans, Saint-Quentin, oui, ça fait. Il est animateur audiovisuel, producteur de télévision, il est également DJ, humoriste, imitateur, chanteur et auteur. Ça fait beaucoup, hein. Toi, t'as déjà trouvé qui c'était, je pense. Je l'aime pas, moi. Ah, mais tu sais déjà qui c'est aussi. Bah, j'ai que deux choix possibles d'écrire. Entre les deux, il y en a un que je connais pas et l'autre qui est connu. Donc alors déjà, à ses 15 ans, il commence comme DJ sur NRL, c'est une nouvelle radio de Laon. C'est énergie version Wish. Allez, entre nouvelle radio de Laon et nouvelle radio jeune, c'est vrai qu'il y a, il y a juste une lettre qui change. Genre. C'est ça. Alors là, moi, je vais me faire un petit kiff parce que en 91, il avait 19 ans et il a été stagiaire de Joachim Garraud. On va écouter un tout petit bout juste pour me faire plaisir parce que c'est de Joachim Garraud ou de l'autre? Non, de Joachim Garraud. Ah d'accord. Okay. Vas-y, il a été DJ avec lui. We are the future. Excellent. Ça c'est pour ton anniversaire. On fait un petit tour de train-train. On est à la fête foraine là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai dit des paroles. Joyeux anniversaire. Là t'es vraiment à la fête foraine là, vraiment. Ah, on va dire. C'est vrai que ça fait vraiment fête foraine. Hein. Ouais, totalement, ouais. C'est parti, c'est là. Fais péter. Son spinner, on accélère. Ça, c'était juste pour faire un peu la fête pour l'anniversaire de notre boss. Voilà. D'accord. T'es où content de cet hommage? Je ne sais que dire. Ne se prononce pas. Voilà. Les mots ne me viennent pas. Bon, on va passer au reste. On va dire que t'es content, alors. Alors, en 93, il a été aussi l'assistant d'Arthur sur Fun Radio pendant un mois seulement. Puis il a animé l'émission libre La Matinale et La Nuit des Auditeurs avec Difool, Arnold et Bill. Je vois le boss réfléchir, se dire il doit savoir qui c'est. Par contre, il a fait une grosse bêtise en 95. Oh, c'est pas bien. Il a malheureusement parlé dans la matinale d'une. Il a fait une plaisanterie quoi sur le camp of Twitch et il a été suspendu d'antenne, voilà. Ouais. Et il est licencié de Fun Radio. Boum. Voilà. Non mais alors c'est quand même à une époque, parce que je parlais des monstres tout à l'heure en 94, là 95, c'était à une époque où on était dans ce qu'on appelait la trash radio. D'ailleurs les monstres c'était la trash radio, etc. Bah ouais. Tout le monde était dans cette optique là et les directeurs d'antenne poussaient les animateurs à être le plus trash possible parce que ça marchait. Hein, bah oui, ça plaisait. Hein. L'époque de Love in Fun, etc. aussi. Hein. Et ça plaisait, sauf que bah à un moment donné, tu sais, il y a la ligne et bah on... des fois on est près de la ligne, on est près de la ligne et on la franchit. Bah oui. Voilà. Et le CSA commençait à sanctionner les radios pour avoir franchi la ligne blanche. Sauf que les directeurs de radio n'ont pas soutenu leur animateur à ce moment-là. Donc que ce soit Koé ou JC ou d'autres, ils se sont fait voilà. Hein. Bon bah t'as dit hein. Bon, bah, t'as dit le nom. Koé. Même chose à la télé. Quand... J'ai pas fait exprès. Le pire, ce qui a été génial, t'as continué, Théo. Effectivement, alors attendez, le nom complet quand même, c'est Sébastien Jean-Maurice Koé. Enfin, Linda, t'aurais réagi, j'aurais pas réagi. Hein. Alors c'est moi, j'ai réagi. Ah ouais, non, moi j'avoue façon, que... Moi, je voulais... En fait, il y a longtemps que j'ai trouvé, mais j'ai pas voulu t'interrompre, d'accord, comme c'est ton c'est retour. Gentil. C'est gentil. Je me suis dit, je vais te laisser la parole. Il voulait être tout mignon. Alors du coup, il a fait plein de choses. Il est allé en 96, il était sur Skyrock à la matinale 6-9 avec Miko. En 98, il a fait le gros afternoon sur NRJ de qui a pas du tout marché. Et il était aussi en même temps directeur d'antenne d'une radio du groupe NRJ, Rire et Chanson, à cette même période. Hein. En 2000, il quitte NRJ pour Europe 2 où il est directeur d'antenne. En 2001, il lance le Morning de Koé. Ouais, ça a cartonné sur Europe 2. Avec Miko, Boudin, Caro et Sylvain. En 2002, la matinale est prolongée jusqu'à 10h. Donc, du coup, ça fonctionne quoi. Hein. Et donc, jusqu'à 17h. Il a donc une nouvelle équipe qui est Cécile, Miko, Cartman et Pietre. Cartman qui s'est lancé là, clairement, il a été lancé à ce moment-là. Et puis Cécile, ouais, c'était l'époque où il faisait aussi. C'était quoi la méthode Koé, je crois, sur TF1. C'était sa grande. Enfin, première grande période de gloire sur Europe 2 où il était aussi directeur d'antenne et ça a participé au succès d'Europe 2 à l'époque. Et alors on continue, en 2004 il a quitté Europe 2, il a fait son retour sur Fun Radio avec le Morning de Koé mais de 6h à 10h. Et alors il a réalisé un record à cette période, mais à votre avis lequel? Durée de l'animation. Oui, mais alors dis-moi en plus. Moi je veux des précisions. Oui, mais j'ai pas envie de te les donner. Personne ne sait. Non, okay. Mais il a dû rester animé plus de 24 heures, je crois. Plus que 24 heures, effectivement. Le 27 novembre 2004, il réalise le plus long morning du monde en restant 35 heures en antenne. Bah, c'est plus un morning. Bah, ça dure longtemps. Ah, bah, c'est plus un morning, non, oui, forcément. Non. Mais ça dure longtemps, une matinée chez lui. Hein. Ouais. Et il a été encore plus fort que Arthur sur Europe 2. Oui, alors, justement, je peux faire une petite aparté sur Arthur, parce que depuis la fameuse éviction en 95, où c'était sur une mauvaise blague sur les Kandosvitch, ça n'a pas du tout plu à Arthur. Ce qui se comprend, et les deux se sont mis à être un peu en froid. Voilà. Donc ils ont travaillé sur des radios en commun, mais à chaque fois quand il y en a un qui arrivait, l'autre partait parce que ça pour lui pas plaisait se croiser, pas quoi, pour pas se croiser, arrive effectivement, c'est quoi, 2005 hein, c'est ça, 2004 où Koé, alors je sais plus qui a lancé l'idée hein, c'était Koé ou Arthur, mais enfin les deux se sont mis au même moment, on va faire le défi de la plus longue émission quoi, c'est ils étaient aussi en fight à ce moment-là, ils ont voulu prouver qu'ils étaient les Qui avait la plus grande, quoi, on va dire. Ouais, qui avait la plus grande, c'est ça. Alors, pour continuer, comme je disais, il a eu une carrière très avec beaucoup de rebondissements. Donc, en 2008, il retourne à Virgin Radio pour le Koé se lâche sur Virgin Radio de 6h à 9h. En 2009 à 2010, il a fait les grosses têtes avec Philippe Bouvard sur RTL. En 2010, il retourne encore à Énergie pour faire C'est Koé de 21h à minuit avec Enora Malagré. Enora Malagré, Pietre, Julie, Jeff, Guéguette, ça me revient, Marion, Justin et Jérémy. En 2014, il refait C'est Koé. Non, il continue C'est Koé en fait, mais il y a tellement d'auditeurs que ça marche quoi. Il y a 956 000 auditeurs quotidiens, pardon. Mm-hmm. Alors, au fil des saisons, il change avec l'équipe, il y a vraiment beaucoup de monde qui passe. Il quitte Énergie en juin 2017 et il arrive au Virgin Radio pour l'émission Koé Slash. Alors vous pouvez voir qu'il récupère souvent ses noms d'émissions, il les transfère à chaque fois dans les rangs et dans les radios. Et ses auditeurs aussi, c'est ce qu'on peut reprocher aussi avec ces superstars de la radio, c'est que les auditeurs de Koé, que ce soit sur Énergie, sur Virgin ou sur Fun, en fait ils vont suivre leur animateur quoi. Ouais. Non mais c'est pareil avec PK, tu les mets sur une autre. Peut-être, on va savoir. Alors et puis depuis 2018, Koé est de retour sur Énergie pour animer les fins d'après-midi dans C'est Koé de 15h à 20h. C'est très sympa et j'ai un petit extrait pour vous. Si vous voulez rigoler 5 minutes, c'est très très drôle. Donc Ah, c'est plutôt 2 minutes 50 apparemment. Ouais, bah après on n'écoutera peut-être pas tout, mais non. Voilà. Mehdi, comment ça va? Les dossiers que vous n'assumez pas, ça va Mehdi? Bonjour tout le monde, bonjour Koé, bonjour l'équipe. Bonjour Mehdi. Salut Mehdi. Alors attendez, je vais faire juste Mehdi. Il n'y a pas de vanne dans ce que je dis, mais on se permet. C'est ton véritable accent, ce n'est pas quelqu'un qui fait un accent. Alors, je vais être honnête avec vous. Oui. Tellement mon dossier, j'ai peur de m'afficher. Je change un peu ma vie. Oui, mais non, je suis d'accord, mais... C'est léger, hein. C'est énorme. Et pour être honnête avec vous, je m'appelle pas vraiment Mehdi. J'ai un autre prénom, mais c'est mon prénom B. Comme tu as dit tout à l'heure, je vais rester dans le thème des toilettes. Moi, en fait, le problème, c'est que voilà, vous connaissez peut-être mon métier. Je suis donc grutier. Grutier, les trucs dans les grues, des travaux tout en hauteur, là. Voilà, je travaille en hauteur. Je suis grutier. Et là, bah, vu qu'en ce moment il neige, je vais pas en bas pour faire comme d'habitude mes besoins dans les attention toilettes. Attention à la chute, ouais. Je fais caca par la cabine. Vous enfermerez, je vous laisse les clés. Voilà, bref, beaucoup d'humour chez Koé. Si vous voulez vous rigoler, vous écoutez Koé l'après-midi de 17h à 20h. Ah, moi, je suis pas fan, moi, c'est marrant. J'ai jamais été fan de Koé. Moi, je sais pas, j'aime bien, il fait des conneries des fois. Tellement... Je suis pas fan non plus. Voilà. Et par contre, vous remarquerez que ce soit Koé, Arthur, même Max, hein, ils ont souvent des voix de merde, hein, ces animateurs. Non, mais tu sais, t'as l'image de l'animateur radio. Alors, je vais prendre Maurice dans les années 90 qui avait une grosse voix. Voilà, bon, il y en a eu, hein, évidemment, mais comme quoi, c'est pas forcément la voix qui fait le talent ou qui fait qu'on a envie de les écouter. La voix en elle-même, je veux dire, la voix qui repose, la voix que tu as dans les jingles, par exemple. Souvent, les gens qui font des jingles ont des magnifiques voix, mais les animateurs radio, pas forcément, quoi. Et l'exemple de Koé, superstar animateur, c'en est un bon exemple, quoi. Pour le coup, il a une super carrière, moi, c'est impressionnant. Ah, mais il a une très bonne carrière, oui. D'ailleurs, t'as commencé dans les années 90, mais il a commencé sur une radio du Nord, parce qu'il est du Nord, quoi. Ouais. J'avais dit la radio de la 11. C'est cette radio-là. Pardon. Tu n'écoutes pas. Non, c'est pire que moi. Pas, oublié, bon, je termine depuis... vite fait. J'en ai encore un dernier. Vous voulez le dernier ou pas? C'est une bonne idée de le faire, je pense. Oh bah non. Si. Tu allais un dernier pour la route. Toi, tu veux écouter, tu sais. Mais en fait, j'ai vu. T'as lu, salaud. Mais le problème, c'est que ça attire l'œil. Donc forcément, je vais lire. En plus, j'ai mis des couleurs et tout. Bref. Mais oui, c'est encore pire. Mon petit dernier pour la route. On va faire un petit jeu. Je présente la personne. Mais qui est-ce? Vous allez me le dire. Peut-être, c'est peut-être pas ton micro. Je suis animateur. Linda, tu es Linda. Non, je suis. Alors je vais vous le faire là. Oui. Non. Non. En fait, non. Julien Lepers. Bref, je suis animateur, producteur, réalisateur, programmateur. Je commence en 2013 sur Radio Numéro 1. Hein ? Comme animateur, producteur, je passe par RVA, Virgin Radio, Nid Radio. Ah, c'est Elliot. Taon, plus FM, Radioactive et Freestyle FM. Je suis directeur d'une célèbre radio, web radio, depuis 2009. Je suis... Yann. Théo. Putain, tu connais pas ton parcours. Si, mais je m'attendais pas à ça, non, en mais fait. Déjà, je m'attendais pas à ça, et je m'attendais pas à ça dans cet ordre-là, parce que c'est pas vraiment... T'es génial, en fait, Théo. C'est le CV que j'ai trouvé sur Internet, il y a un problème. Hein. Bah, il est pas dans le bon ordre, le CV sur Internet, je sais pas ce que t'as... Parce que j'ai mélangé, parce peut-être. Parce que déjà, t'as son CV sur Internet. Qu'est-ce que ça fout, là? Quand on cherche, génial, on trouve plein c'est de choses. Je suis en face Théo de toi. Théo recherche un emploi. Je suis en face de Théo, et ça se voyait dans ses yeux, il était... Mais attends, mais j'ai l'impression mais non, que ça parle de moi, mais c'est pas le bon ordre. C'est ultra marrant à voir. C'est vrai. Excellent. Au début, je me suis dit, attends, on n'était pas si nombreux sur Radio Numéro 1. Il cherchait vraiment quelqu'un d'autre. Non, mais dans ses yeux, tu le voyais. Donc, mais c'est moi, mais non. C'était le portrait du boss. Voilà, donc juste pour finir, merci à lui pour le partage, la formation. C'est un peu grâce à lui qu'on est là ce soir. Un beau léchage de boulot. C'est un ami fidèle, donc merci à toi, Théo. Merci à vous d'être là. Bah oui, parce que sinon, on t'encenserait pas à l'heure actuelle. Là. C'est vrai. Ouais. Et sans lui, je pourrais pas genre enlever ce bouton et le lancer par terre. Le bouton de la console. Alors, c'est con, vous avez pas la caméra, mais j'ai vraiment pris un bouton de la console. Oh mon Dieu. Mais pourquoi on en a besoin? J'en ai vraiment besoin de ce bouton. On en a besoin. Arrêtez de casser le matos, mon sang. En fait, là, il y a Daniel qui l'a pris et qui l'a rebalancé. Grâce à Théo, par exemple, je sais quel bouton sert à quoi. Oui. Oui. Et lesquels je peux jeter et lesquels je ne peux pas jeter. Alors j'ai jeté un quand même qui est utile. Donc Daniel, tu pouvais pas le lancer aussi loin. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est vrai, la surenchère, c'est aussi le quotidien d'Innestar. Hein. Oui, c'est ça. Du coup, c'est un peu grâce à lui, comme tu dis, qu'on sait faire certaines choses. Qu'on sait faire plein de choses, évidemment. Voilà. Vous serez pas là en train d'écouter PK Avenger si Théo n'était pas là. C'est un tyran, Théo. Bah oui, non, mais il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas si on n'existait pas. Oui. Putain, c'est vrai. Il y aurait moins de boulangers si je serais pas. Mais... bah oui. Ah, y a non, mais là, il parle les radios. Si on n'est pas tous ensemble ici, il n'y a rien en fait. Exactement. Voilà. C'était l'idée. Il n'y a pas de musique aussi. Ah, j'ai pas sorti. Tu fais pas de musique. C'est vrai. Il n'y a pas de musique si tu fais pas de musique. Bah ouais. On peut écouter si on ne lance chose, pas de la musique, il n'y a pas de musique. Oui aussi. Oui, c'était plus ça l'enchaînement, mais bon. Die 50 You, Fix You. T'as vu, c'est de mieux en mieux quand même l'anglais. Je fais des petits efforts. C'est dégueu, mais c'est pas mal. Ouais. Avant, c'était extrêmement dégueu. Maintenant, c'est juste dégueu. C'est juste dégueu. En tout cas, c'est sur Indestar. Il y a de la progression, c'est l'essentiel. Hein. Linda, la plus féminine des animatrices de PK Avenger, jusqu'à 23h sur Indestar. Elle est de retour. C'est la seule animatrice de l'émission aussi. Oui, de retour, oui, et comme tu disais. Je suis ravie, vous m'avez manqué. Oui, bah, tu vois, nous aussi, tu nous as manqué. Oh. La preuve, on t'a mis ton jingle. On va être gentil à l'antenne, toi aussi. Par contre, ce jingle est faux parce que seule animatrice de l'émission, Océane. Oui. Oui, c'est moi. Oui, alors, mais il est bientôt revrai. Ouais, c'est pour Océane, ça. Océane, tu as peut-être une annonce à nous faire ce soir. Vas-y, annonce au monde entier. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont tes projets? Déménager dans l'est de la France. Ouais. À côté de Nancy pour mon bien personnel. Ah. Parce que du coup, j'ai des petits soucis au niveau d'habitation. Au foyer. Sœur, t'aurais pu inventer un mytho, hein. Ouais, totalement, ouais. T'as le droit, hein. Mais non, mais je vais quand même repasser. Bien sûr, tu nous appelleras. Oui. Oui. Tu pourras nous appeler à quel numéro, s'il te plaît? Au 09 70 407 306. Wow, comme quoi, Indestar, ça laisse des traces et pas que dans le caleçon, hein, clairement. Magnifique. Merci, ouais. Et Océane vient de réinventer le concept de la radio libre. Voilà, elle appelle, elle parle de ses problèmes pour qu'on l'écoute et qu'on lui donne des solutions. Donc là, la solution, bah, tu l'as toute trouvée, Océane. C'est de déménager, de nous quitter. Merci, Océane, et à bientôt. C'est sympa, ouais. Tu rappelles quand tu veux. Salut. Et donc, tout à l'heure, donc, ce qui est bien, Linda, c'est que tu parlais de Théo sans qui, bah, lui, oui, sans lui, il n'y aurait pas tout ça. C'est vrai. On va aller faire un tour dans l'histoire d'Indestar aussi un petit peu avec Théo quand même. C'est une bonne introduction du coup. Ouais, c'est ça. Faisons la poussière. Forcément, sans Théo, il n'y a pas tout ça. Donc moi qui suis jeune dans la radio, forcément, bon, je me suis un peu intéressé. Est-ce que tu peux me raconter d'où l'idée d'Indestar est venue? Ouais, bah alors Linda parlait tout à l'heure de Freestyle FM. Voilà. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la radio, c'est-à-dire entre potes dans ma chambre en tant que lycéen, tu vois. En freestyle. D'où le nom. Tu chantais tout ça, je suppose? On chantait parce que c'était de la radio libre, donc avec des faux auditeurs. D'accord. Et puis on avait des persos et tout ça. Ouais, il y avait des persos que j'ai continué à faire en résidence universitaire avec un petit transmetteur FM en pirate, je dis. Radio pirate, tu vois. D'accord. Voilà. Et donc ça touchait vraiment que quelques personnes. Et arrive le moment où YouTube, SFR Jeunes Talents, toutes ces plateformes-là qui commencent à se développer sur Internet et avec des artistes qui n'étaient pas signés dans des grandes maisons de disques et pourtant qui méritaient d'être connus parce qu'ils se faisaient connaître grâce à un petit peu à ces plateformes-là. Mais l'envie d'un petit peu renforcer cette visibilité-là. Déjà depuis toujours, avec mes quoi. Tout petits moyens, évidemment. Mais, donc t'as toujours commencé par des indépendants, quoi. Ouais, en tout cas de l'émergent, hein, mais c'était ça. Et j'ai commencé à en passer donc sur ma radio Freestyle jusqu'au moment où il y a une plateforme qui existe toujours aujourd'hui qui s'appelle Radionomie qui a permis à des gens de faire des web radios un peu plus simplement que à l'époque. C'est vrai que il fallait être un petit peu dans la technique. Je connaissais pas Daniel, hein, et de se dire que oui, il fallait créer un serveur. Il connaît toujours pas, sauf quand ça l'arrange. Oui, voilà, c'est ça. Et Daniel, pareil, il connaît toujours pas Théo, sauf quand ça l'arrange. Quand il a besoin d'une chemise pour sortir le soir. Et Daniel a toujours ses chemises hawaïennes. Et cette plateforme-là met en ligne pour la première fois cette possibilité aux gens de pouvoir faire leur propre radio. Et forcément, moi qui n'étais pas vraiment technicien, je me dis c'est une superbe opportunité pour mettre en avant une programmation qui était plutôt, on va dire, rock. Rock. Rock, garage, skate rock, etc. D'accord. Et avec aussi ces nouveaux talents. Sauf qu'au bout d'un mois, je mets en ligne la radio. Hein, je passe 2 mois d'été à bosser dessus. Tu me l'avais raconté, ça, horrible. Et voilà. Et au bout d'un mois de diffusion, il me coupe. Il m'envoie un mail en me disant on a effacé votre radio. Vous avez bien travaillé, on a tout enlevé. Ah ouais. Et forcément, le seum. Hein. Tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes. Donc, je mets un mois à m'en remettre. Et octobre 2009, pour la date, je me dis Alors je crée pas une radio parce que je te dis j'avais un peu le seum de ouais, d'avoir bah, ouais, bah, tu m'étonnes, c'est normal hein. Mais je me dis tiens je vais faire un site internet. Il y avait des premières plateformes, c'était Blogsite hein, qui permettait de mettre de partager des vidéos YouTube etc. Je vois comment je pouvais avoir la possibilité de mettre un flux audio histoire de aussi mettre en avant par ce flux les artistes. Il veut tricher, ouais. Il veut mettre de la radio, mais sur internet. Non, mais c'était pas dit comme ça au départ, si tu veux. Mon idée, c'était de mettre un site avec des petits articles, de mettre éventuellement des vidéos de ces gens-là, et de mettre des extraits sons, audio, ouais. Des sons de ces artistes. Mais bon, évidemment, mon amour pour la radio, se faisant, ça, ouais. Le flux audio... s'est vite retrouvé en radio, donc au d'accord. Début avec un habillage sonore avec des petits jingles et puis après c'était à l'époque où j'ai intégré aussi une école de radio et je me suis dit bah, pourquoi pas en faire une vraie radio avec des animateurs et on était émergents aussi oui. Tu vois, ah pour oui. le coup, donc faire un petit studio à la maison, donc sur Paris, et inviter les gens qui font de la radio avec moi à l'école la journée pour qu'on puisse s'exercer aussi le soir en proposant pour des commencer émissions. À monter. Voilà, donc d'où l'émergence d'Indestar à l'époque. D'accord. Je crois qu'il a répondu à une question. Oui, ah ouais, c'est important question, de détailler quand même. C'était 5 minutes par question. Ouais, ouais, c'était quand même important ça. Ouais, vous inquiétez pas, on finit l'émission en matinale demain matin. On va dépasser quoi. Vu que tu parlais de ça, la première émission que t'es faite, si tu t'en souviens, ce serait quoi? Ouais, ouais. C'était quoi ça? Alors, parlait de quoi? De un peu de tout. On va dire il y a deux parce que j'ai les souvenirs des radios avant la création de Freestyle FM où pendant les vacances, tu sais, avec un petit poste cassette, ouais. On enregistrait des trucs et il y avait un pseudo conducteur. J'ai retrouvé hein, les papiers de l'époque et tout ça où on va faire la météo, l'horoscope, ceci, cela. Donc ça, c'était vraiment les prémices. Et après, quand on a commencé les émissions et d'ailleurs l'émission qui était la toute première où on s'est dit oh, c'est super bien, on s'est trop marré, on va continuer à faire des émissions de radio. C'était une émission de voyance. Oh avec ah ouais. J'ai un pote romain qui s'appelle qui s'appelle Romain. Oui, pour le coup, oui. Donc c'était Romano le voyant, tu vois. Et j'étais que le comment dire le mec du standard, ah, tu vois. D'accord. Et on s'est éclaté vraiment cet après-midi là avec la voyance des faux dés etc qui donnait du 15 avec 2 dés de 6, enfin donc, des choses comme ça. Et ouais, je pense que c'est une émission marquante parce que j'avais moi en plus tout ce que j'écoutais avec Max à l'époque déjà et tout ce principe de radio libre, on déconne, etc. Conneries. C'est ça, ouais. Ouais, c'est et ça. C'est bien. Et ça m'a donné l'envie de continuer et chose un peu plus personnelle, mais c'est à une époque où en fait je voulais devenir designer automobile et j'avais été récemment déçu en fait par la réalité du métier qui était plutôt quelque chose de matheux et pas si artistique que ça et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai trouvé aussi compensation dans le métier de la radio qui forcément c'est moins matheux hein. Bah c'est moins matheux non mais c'est vrai mais tu vois cette fibre artistique j'ai un peu retranscrise à ce moment-là dans oui, ton côté dans artiste la tu l'as remis ouais, dans ça le ça, côté ouais. Artiste a ressorti après, et après, dessus on dit ça moi j'ai avec la voix quoi. Parce que Théo nous a tout appris, j'ai pas la fibre artistique, mais j'ai la fibre matheux et j'arrive à faire des trucs de radio. Bien sûr, non mais il y a une certaine logique mathématique là-dedans. T'as la fibre de blé ou d'autres choses. Oh j'ai la fibre gluten. Hein. T'as le son. J'ai le son. T'as le son à la radio et le son non, vrai, dans le pain. Le son de blé, t'as que le son d'avoine. Est-ce qu'on peut dire la radio est accessible à tout le monde? Oui. Oh, d'ailleurs, on salue tout le pain qui nous écoute, on peut en profiter quand même. Pour le un pain, boulanger, théorie, ça peut être pas mal. Ça écoute pas grand-chose. Ouais, mais on peut quand même. Ce que tu as dit, ça m'a fait penser à une chanson du genre « T'as le son, Teddy ». T'as le son, Teddy. T'as le son, Teddy. Ça me parle vaguement. Ouais, c'est... T'as le look coco. Ouais, voilà. Ouais. C'est plutôt ça, ah. Ouais. Ah, ouais. C'est la pub pour c'est les tickets métro à l'époque, c'est ça hein. Ah, c'était les tickets la carte non, jeune. Au début, c'était une vraie chanson. Oui, ah, oui, à bah, la oui base, c'était une vraie oh, chanson. À la base, ouais. En vrai, j'avais envie de dire un truc profond. Mais tu sais plus mais quoi. Vous allez vous la mettre non. C'était un peu trop profond. Ouais, coup. C'est ça, je crois. T'as pas creusé jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que fibre artistique ou pas, au final, on peut tous faire de la radio. Oui. Ah et puis on peut trouver ses envies, on peut trouver quelque style. Chose évidemment ça, quelque ouais, chose. On peut toujours trouver un truc vous pouvez être ouais. Ultra timide ne jamais parler dans la vraie vie oui. Ne même pas vous excuser de croiser le regard de quelqu'un par exemple et au final faire de la radio et se découvrir comme ça et prendre un peu confiance en soi ce qui était mon cas pas hein. Mal de choses ouais. Ce qui était mon cas à l'époque parce il que il baisse les yeux quand on le regarde oui. Oui. Non mais c'est vrai que le pire c'est qu'il dit oui en plus à 15 ans j'étais quelqu'un d'ultra timide et je pense que la radio m'a permis, c'est peut-être pas la seule chose d'ailleurs, mais t'as permis de franchir un cap, ouais. Et de franchir de plusieurs caps, ouais. Et comme on disait tout à l'heure, bon maintenant c'est un peu moins vrai avec la radio filmée et compagnie, mais à l'époque vraiment la radio c'était on pouvait parler à 1 ou 10 000 ou 100 000 auditeurs. Sauf finalement on voyait pas la différence, bah ouais. Et on ne nous voyait pas, donc c'était une manière en fait de s'exprimer et de prendre de confiance en nous aussi sans avoir ce jugement, l'image, ce regard, ouais, ou l'image qu'on dégage, tout le négatif, ouais c'est ça, donc une protection, quoi. Et pourtant, ouais, la voix, moi je pense que ça dévoile pas mal de choses. Finalement. Certainement. Ouais. Je pense que ouais, ça peut. Mais ça permet de jouer des personnages aussi. Tu, oui, parlais, oui, de créativité. Mon personnage, enfin mes premiers personnages radio, on va dire, le en K-Max, etc. C'est... Non, mais c'était, je veux dire, le personnage global, hein, ah, oui. Était très éloigné de celui que j'étais, oui, dans la vraie, mais vie. Oui, c'était le but, ouais, en vrai, voilà, non? Bah oui, parce que c'était parce qu'il est nul en vrai. Non mais c'était mon, non mais oui, c'était le moment, de se lâcher, quoi. Lâcher, ouais. Ouais, exactement. Il faut se créer ça, un personnage comme tout. Bah je pense qu'aujourd'hui les deux alors sont peut-être un petit peu enfin proches. Oui, sont plutôt proches, enfin se sont rapprochés en tout cas, ouais. D'accord. Mais est-ce que c'est, comment dire, c'est, le c'est bénéfique, Théo, en tout cas, qui s'est formé en K-Max, ou c'est K-Max qui a influencé Théo? Je pense que les deux ont apporté ouais, peut-être que le personnage de K-Max ou Théo K-Maxo est un peu redescendu sur terre, tu vois. Pour moi en fait, quand t'as deux personnages il, comme il, ça, il a vieilli un peu. Moi qui suis dans le live, bon, je peux dire aussi, j'ai un personnage pour le live où je suis hyper arrogant, tout ça, mais forcément. Alors, les deux personnages, tu l'es toujours. Oui, je suis toujours, oui, ça je suis d'accord avec toi. Mais on va dire que forcément ça va s'amener ensemble. À fusionner, puis... ouais. Bah, mesdames, c'est obligé en fait. Dans le temps, ouais, ça... Mesdames et messieurs, nous avons des cas en direct de dédoublement de la personnalité. Schizophrène. Ouais, mais je pense qu'être animateur radio, ça va être un peu être schizophrène. Ouais, ah, bah, ah ouais, sacrément. Je parlais de Max tout à l'heure, tu vois, qui était Max le Star System. Donc c'était vraiment dit dans le titre. Hein. Ouais, voilà. Bah ouais. Dans la vraie vie, parce que j'ai eu la chance plus tard de l'avoir en tant que coach radiophonique. Ah bon? Ouais. Et c'était quelqu'un qui était très discret. Ah ouais? En fait. Ouais, très. Oui. Posé, quoi. Très il posé. A peur des très... gens. Non, pas avoir peur, mais pas timide si tu veux, mais quelqu'un de très réservé. Ouais, introverti, ouais. Ouais. Ouais. D'accord. Pour en revenir, vu que Indestar, c'est la radio des artistes émergents, tu le dis assez souvent quand même. Mm-hmm. Mais pourquoi avoir choisi de mettre en avant des artistes qu'on peut qualifier pour la plupart d'inconnus entre guillemets, ouais, quand même? Et ben justement parce qu'ils sont inconnus. D'accord. Non mais parce qu'en fait je me dis que on écoute la radio, on écoute la télé, etc. On va retrouver toujours un panel d'artistes qui est sensiblement le même, qui est promu par les médias et puis les maisons de disques, ou partenariat entre les deux d'ailleurs, arrangement on va dire. En tous les cas, je trouve que tu vois, en découvrant alors ça peut être des petits groupes locaux, mais après avec internet ça ouvre le champ, ça ouvre plus de possibilités, voilà, oui. Mais ces artistes-là, je trouvais, alors après, bon, ça a été un petit peu moins le cas parce qu'il y a quand même des grosses plateformes qui permettent de mettre en avant des gens comme ça. On le voit aujourd'hui avec des artistes qu'on passe, hein, Lindsay Sterling, Gifla, etc. Ils ont des millions de personnes, oui, qui les suivent. Ouais. Mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Et pourtant, il y a du talent. Tu vois, c'est pas parce que t'es pas connu, oui, ou suivi par une maison de disques. C'est pas parce que t'as pas de truc que t'es forcément nul. Voilà. Des gens qui mériteraient plus de vues et qui n'ont pas la reconnaissance, la reconnaissance des médias, on va dire, ou, ouais, d'une c'est maison ça. De disques. Et je trouvais ça intéressant, mais, en fait, ouais, se dire de sortir un peu du carcan de on écoute toujours les mêmes artistes et on va aller chercher plus loin des artistes qui aussi méritent un petit, d'accord, peu. Mais il y a des artistes qui ne souhaitent pas être dans écouté. Une boîte connue. Bien sûr, hein, mais qui, beaucoup. Qui font leur propre production. Bien sûr, parce que tout le processus en fait de maison de disques, etc., implique pas mal de choses et pas mal de choses aussi négatives pour les artistes qui sont considérés un petit, oui, peu comme des jetables. Ils ont un contrat après, ils ont un contrat. Oui, bah oui, des produits jetables. Ouais. D'accord. Alors, vu qu'on est dans les artistes, tiens, on va en profiter. Est-ce que tu as des artistes qui t'ont vraiment marqué? Ah, j'ai connu l'artiste préféré. Or Anafri. Autrement. Boum. Je sais que ça allait être elle. Non, mais des artistes Indestar, tu veux dire? Oui, Indestar. Ouais, oui, bah alors, si je prends la base, hein, à l'époque, il y avait. Donc, oui, il y avait Anafri, mais il y avait. Terra. Il l'a dit, oui. Bah oui, non, mais. C'est obligé, ça. Mais il y avait. Or, vu que. Kina Granis, il y avait Terra Naomi, il y avait Mia Rose. Beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes. Mais il aime les femmes. Mais j'aime les femmes. Voilà, les femmes de Théo. Non, mais j'avoue que je suis assez sensible en fait. À la voix féminine. La voix féminine. Et c'est vrai. Et c'est doux pour les oreilles. Il y avait malgré tout plus de. Enfin, quand ça hurle. Oui, mais si t'écoutes par exemple un Nina Attal comparé à un, je sais pas, un chanteur Garou. Mais ça n'a rien à voir. Tu vois, bizarrement, bah oui, bah oui, mais oui. Ça n'a rien à voir. Et tu vois, c'est pas doux à l'oreille. Tu vois, moi, c'est pas un chanteur garou, c'est un loup. T'avais pas d'homme du coup dans mais les chanteurs. Il y avait, alors il y en avait, mais il y avait moins. Si je prends une plateforme par exemple comme YouTube ou même comme SFR Jeunes Talents, il y avait beaucoup moins d'hommes qui étaient mais alors, qui perçaient plus à l'époque mais même maintenant hein, ah ouais même maintenant il y a beaucoup moins d'hommes qui ouais enfin ça, ça dépend la gamme enfin le type de musique ouais, ça dépend après. La musique ouais. Ça dépend le style de musique aussi après Indestar a toujours été plutôt pop hein, ouais. Ah ouais quand même ouais pop en général hein, c'est vrai que ça englobe pas mal de oui de, c'est large de choses. Oui ça a tellement de mais, c'est très vaste non mais je vais prendre aussi dans les artistes masculins il y avait Tyler Ward qui d'ailleurs est producteur et qui a fait aussi connaître d'autres artistes tels que Jess Moscalu qu'on passe enfin ouais. Voilà donc tous ces artistes là DJ Zebra alors DJ Zebra qui était qui avait une visibilité parce que il était sur Oui FM et puis sur Virgin après mais le principe du bootleg c'est lui qui, alors c'est pas lui mais justement, il a grandement participé pour, même ouais. Si on explique tu peux quand même expliquer ce que c'est oui, pour bien ceux sûr. Qui ne connaissent pas le principe du bootleg ou du mashup c'est de mélanger des artistes pour en faire un titre et ce qui est sympa c'est que en fait ça part d'un truc un peu pirate aussi tu vois d'un truc on prend deux artistes qui des fois n'ont rien à voir. Et on va les mettre ensemble. Et on va les mettre ensemble pour une collaboration qui est un qui peu est what the fuck. Ouais. Et voilà, et j'aime bien ce principe-là ça aussi. Ça sort du normal, quoi, de la ouais, normalité. Ça sort de quoi. L'ordinaire. Ouais, et d'ordinaire, c'est pour ouais. Ça que sur Indestar, il y a toujours eu du bootleg, et notamment DJ Zebra qui a fait connaître, enfin, qui a participé à la popularité de ce mouvement. J'aimais bien en fait ce principe de oui de on mélange tout on fait un nouveau titre et ça fun, donne quelque quoi, chose ouais. Qui même mélange les générations je trouvais ça ouais, sympa bah ouais. Ça permet d'écouter des nouvelles choses quoi. Exactement d'accord donc qu'on est dedans s'il y a vraiment des tes artistes rêvés que t'aimerais avoir sur Indestar qui viennent pour faire par exemple je vais prendre pour PK Avenger on fait une fois par mois un PK Avenger artiste ouais. Tu pourrais m'en citer deux que t'aimerais absolument avoir dans PK Avenger Artist, réalisable en fait, ou pas. Moi, j'aime bien toutes les rencontres. Tu vois, bon, il y en a une que j'adore aussi, qu'on passe beaucoup, c'est Nina Attal, et que oui. J'ai déjà reçue deux, trois on fois. On va l'avoir, Nina Attal. Mais oui, mais bon, elle connaît une des stars, elle est déjà, voilà. Elle est déjà venue. Mais, j'irai chercher par la peau du cul. en fait, je... Il y a deux choses à prendre en compte. Il y a le côté artistique et le côté ouais. Humain. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est... C'est ça qui nous est accessible c'est aussi. Intéressant. C'est de découvrir ouais. Qui y a de sous l'artiste ouais. En fait. Qui est derrière l'artiste ouais. Même. C'est un peu ce qu'on fait dans PK. Mais bien sûr. C'est pour ça que je prenais l'exemple de PK. C'est aller plus loin. Mais bien la sûr. Musique, mais qu'on quoi. A toujours fait hein, depuis les débuts d'Indestar. Il y avait Radio Coffee Shop à l'époque. On avait commencé comme ça. Non mais. J'aime pas le café. C'est. Il aime les shops. On a toujours essayé et c'est aussi possible pour nous. C'est-à-dire que oui, on inviterait Madonna. Ça serait peut-être plus compliqué de l'avoir sur Indestar, tu vois. Mais ce sont souvent des artistes qui sont accessibles, qui sont reconnaissants aussi parce qu'on leur apporte pas grand chose en réalité. Parce mais le peu qu'on voilà. Peut apporter, on va leur apporter. Mais des même. Fois, on leur met aussi un peu le pied à l'étrier. On est des fois le premier média sur lequel passent ces artistes-là. Et j'aime bien ça en fait de voir que ce soit le marche-pied, l'idée du marche-pied. Le tremplin Star. En fait. Un marche-pied, jeune talent. Ouais, tremplin, ça fait plus sympa. Mais ceux-là ne se vendent pas chez Ikea, hein, ces marche-pieds-là. Mais non, mais ils sont pas à monter non plus. Tu vois que ce soit pour l'animation ou pour les artistes, j'aime bien. C'est étoiles début. Dans les yeux, tu ouais, vois. Que, ça brille, quoi. Cette flamme, cette avoir. Passion oui. Qui va s'éteindre après, petit à petit. Pourquoi bah, s'éteindre, pas forcément, non, mais oui. Peut-être un peu différemment, non, c'est clair. C'est, oui. C'est vrai que je reprends, là, quand on a reçu les trois jeunes, là, début décembre, ouais. Ils sont partis, comme tu dis, des étoiles plein les yeux. Ouais. Ils étaient, ouais, parce qu'on les a mis en avant. Donc, c'était qui, les trois jeunes? C'était leur première radio, oui, je vais rappeler. Donc, Zach et Andrea qui jouaient, donc il y avait un rappeur, un compositeur de musique de film, et il y avait Juliette qui avait joué un rôle avec Juliette d'ailleurs qu'on avait reçue aussi l'année dernière et qui avait chanté non une autre Juliette non, ah une oui autre c'est Juliette. Vrai qu'il y avait une autre Juliette ouais, ouais. Il y a une autre oui ouais. Mais, ouais. Mais oui, c'est je crois mais Juliette. Il y a eu Juliette qui est venue chanter des mangas. Oui. Même par exemple et... Wood Mike qu'on avait reçu ah oui. Dans PK Avenger ah oui. Artist. Héloïse May. Voilà, Héloïse ouais. May aussi, ouais. Oui. Parce que moi, mais May, justement, j'adore. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert chez Indestar oui. Et que en fait, ça permet de découvrir plein de nouvelles choses, de tout horizon finalement. C'est pas fermé. Et... Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, question un peu plus fun. Est-ce que tu t'amuses toujours autant qu'au début en faisant de la radio. Est-ce que tu t'amuserais pas plus? Ouais. Non, mais je m'amuse toujours. Alors, quand j'ai fait de la radio professionnellement, ça a été, il y a eu deux étapes. Quoi. Ouais. Il y a eu l'étape, c'est, ça brille, super c'est cool. Voilà. Et puis l'étape, ah oui, en c'est fait, les limites sont là. Ouais. Tu vois. Ah ouais. D'accord. Chose que j'essaye de ne surtout pas imposer à une des stars, alors qu'il y a un cadre, je trouve que c'est plutôt formateur, ouais. Mais qu'il y ait pas de limite, je trouve ça. Enfin, je trouve que c'est l'essence même aussi de la radio, c'est de pouvoir aussi tester des nouvelles choses. Alors, c'est peut-être un peu compliqué de se dire aujourd'hui, ça fait 40 ans de la libération de la FM, qu'on invente vraiment quelque chose. Mais en tous les cas, on va le faire de notre manière et on va pouvoir tester des choses sans avoir. Sans contrainte. Bah, sans contrainte et la contrainte de se dire est-ce que ça va marcher commercialement parlant, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, faire des choses qui plaisent, oui. Après, surtout s'éclater en les faisant, parce que pour moi, il n'y a pas de meilleur moyen que vous accrochiez à ce qu'on propose. Bah oui, c'est déjà se faire plaisir. Ça te plaît, voilà. Pas, ouais, c'est compliqué. Et j'avoue que oui, aujourd'hui, je prends toujours autant de plaisir de faire de la radio et de vous faire aussi de la radio, parce que ouais, il y a double plaisir. Il y a une passation de savoir, quoi. Ouais, ouais, et ouais. Je crois pouvoir confirmer ce que tu disais, le côté plaisir, enfin tout ce que tu as dit, pourquoi on était là. Je pense pouvoir dire qu'on est tous là aussi pour ça, parce que ah bon, y a un cadre, avec, bon, évidemment, il y a des limites du raisonnable quand même. Hein, faut pas on jette pas les boutons, ouais, par c'est terre. Ça. Voilà, par exemple, ça, c'est qui sont les limites du respect qui voilà, me semblaient essentielles dans, voilà, dans la société en général. On ne coupe pas le micro, par exemple, maintenant. Ah, mais ça, c'est un pouvoir que vous n'aurez pas. Qu'il faut avoir au moins une fois dans sa vie. Hein. Ouais, vous comprendrez la manie de vouloir couper les gens. Il y a des gens qui ont des super-héros dont on a un super Non, mais pourquoi je disais le respect, je vais plus loin, mais c'est vrai que si on fait de la radio et qu'on se fait plaisir, c'est aussi pour vous faire plaisir. Et du coup, le respect, c'est aussi de vous prendre en considération et de se dire que ce qu'on fait, on donne tout pour que vous adhériez. Après, vous avez le droit de ne pas aimer une émission ou préférer une autre. Mais c'est pour ça qu'il y a une certaine cohérence qu'on essaie d'apporter sur Indestar, entre les émissions, entre les équipes, le fait que tout le monde se connaisse, etc. C'est pour pas se dire, tiens, on va écouter une radio un jour et puis avoir l'impression d'écouter une autre radio le lendemain. Donc ouais, voilà. Tu voulais vraiment avoir quelque chose de différent. Bah de d'une unité, justement. Non, c'est linéaire, justement. C'est-à-dire, il voulait dire différent. Oui, différent d'ailleurs. Oui. Bah de ouais, alors mais comment dire, en fait, sur les grandes radios, tu vas retrouver en principe cette unité là. Oui. Mais c'est plus sur certaines... par de l'argent ou par le business. Enfin, oui, ça sera pas régi par. Tatoy Hercer Star, il fait ça, il peut très bien partir démissionner. Nous, on ne va pas faire ce genre de truc. On va pas dire tiens, je veux passer dans l'autre équipe parce que j'en ai marre d'ici ou j'ai envie ou c'est mieux là-bas. Ça pourrait pour après, changer notre émission, mais ça va pas être dans les mêmes manières, ça va pas être de la même façon de faire. C'est pas contractuel. On fonctionne en tant que radio unité, un bloc de radio, pas une émission. Même si on aime bien clasher avec Tu Solite, c'est vrai que ça, on se donne d'accord. Je vois, mais on fonctionne en tant que radio. Ouais. On les aime pas, mais on les aime quand même. Oh, non, non, mais, ah bon, mais bien sûr. Bah, faut bien un petit peu. Hein. Bien sûr, je faut bien être gentil quand même. Qu'on défende un programme, etc. Mais avant tout, une radio et une équipe. Parce que pourquoi on fait de la radio? C'est parce qu'on sait, on se retrouve tous ensemble et on anime quelque chose en commun. Sinon, bon, bah, vous prenez une tranche la nuit tout seul. Et puis voilà. Mais je pense qu'on s'en lasserait très beaucoup vite. Beaucoup moins drôle. Daniel, hein. C'est quand Moi, par exemple, je sais que. Bah, tiens, je vais reprendre par rapport à mes débuts en radio. C'est Daniel qui m'avait beaucoup poussé. Et j'étais venu pour une spéciale Star Wars où justement c'était Teddy qui était aux et commandes avant. Et tu t'es avant. Fait avoir. Ah non, en vrai. Fait, au début je voulais pas venir. Je me disais oui, c'est flemme. Voilà quoi. Ouais, je vais pas dire flemme, mais sans plus, c'est pas quoi. Pour moi. Puis au final, bah, je suis jamais reparti. Voilà, tu t'es fait avoir. Faut pas hésiter à venir. Il dort ici, bon, il mange ici. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a un boulet au pied et qu'il veut pas se faire détacher. Alors, oui, mais ça fallait pas te dire ça. Non, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la radio, c'est une petite famille, en fait. Voilà, et c'est voilà. Ça. Aussi, évidemment, il y a le côté social du truc qui compte. Qui mais compte beaucoup, en règle générale, on peut l'avoir qu'en venant et en testant, de façon, bien ça, sûr. Ce côté-là. En règle générale, la radio est un petit milieu, est une petite famille. Alors après, avec tous les bons et les mauvais côtés, oui. Hein, oui, évidemment. Bah, forcément. Mais, bah, bon, t'es obligé de fêter l'anniversaire à Théo, par exemple. Bon, on n'a pas eu le choix. ça, on a fait la chansonnette, quoi, voilà. C'est ça. Voilà, on ne l'a pas fait en direct, mais on l'a fait avant. Est-ce que, d'après toi, on a parlé à peu près de tout, Théo? Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais tu m'as pas posé la question du genre pourquoi je fais de la radio, tu sais. Ah oui, ouais. Pourquoi tu fais de la radio? Non mais c'est parce que c'est pas toi qui vas y répondre. On a parlé de Kina Grazis, de Terra Naomi, de Mia Rose, de voilà, et vous avez pas voulu que je parle d'une artiste. Alors le son va le faire pour moi. C'est parce que c'est vraiment obligé. Ah ouais. L'artiste qui va passer maintenant. Donc elle s'appelle Ana Free. Elle est d'origine portugaise. Et vous allez pouvoir écouter ce que ça donne. C'est vraiment pas mal. J'ai un peu flashé dessus. Nous allons partir à la découverte d'Ana Free, qui est née en 1987 et elle est originaire du Portugal. La nouveauté du jour. La voici sur Radioactive. C'est le dernier Ana Free. Electrical Storm, le nouveau single d'Ana Free. Et 25 ans également pour Ana Free, chanteuse portugaise. Une véritable star hein, là-bas dans son pays. Le morceau qui m'a fait tomber amoureux de cette chanteuse. C'était en 2007, YouTube était encore en anglais à cette époque-là. Je surfais tranquillement quand tout à coup je tombe sur ça. En guise de signature, voici un titre de mon choix. Alors ça aurait pu être un bon gros rock à l'ancienne, ça aurait pu être une chanson de country ou un morceau de funk. Mais puisqu'il n'en fallait qu'une, voici Ana Free. Alors c'est la fameuse, vous savez, artiste qu'on emmène sur une île déserte. Bon, je vois pas pourquoi je me retrouverais sur une île déserte, mais bon, au cas où j'emmène Ana Free avec moi, ça c'est sûr. Voici donc un extrait de son dernier EP. Cette chanson s'appelle Killing Kind et c'est sur Graphique. Ciao. Il y a beaucoup de choses dedans et il y a du Ana Free. Ah, et il y a du Ana Free. Oui. Ah, parce qu'Ana Free, c'est un peu notre artiste préféré. C'est l'artiste d'Indestar. L'artiste. Non, mais tu sais pourquoi Ana Free, quand même, autre que Kina Grannis ou Terra Naomi ou des artistes comme ça, c'est parce qu'ils représentent tout à fait l'esprit d'Indestar. L'esprit d'Indestar, c'est quoi? C'est tout simplement des artistes qui font, je dirais, le buzz dans leur pays, qui vendent pas mal d'albums. Je crois que ça veut dire on te coupe. Dans ton cul. Ah, c'était beau, merci Guillaume. Vous savez d'un quart d'heure d'explication sur Indestar, c'est magnifique. Mais le mieux, c'est de l'écouter pour s'en rendre compte. Voilà, donc voilà. T'as toujours été comme ça, du coup, à parler pendant des heures. C'est ça. Je proteste, il y a une fake news dans le montage. Ah, il a pas un peu flashé sur Ana Free. Il a beaucoup. Mais ça, c'était au départ. Parce que la première Inter date de 2007, tu vois. Ouais, donc, ah oui, ça date. Bah oui. Non, puis il y a une autre fake news. Enfin, fake news. Non, c'est pas une fake news. Bien sûr que si, elle est connue. Mais j'ai quand même une information. J'ai envoyé un espion au Portugal étudier un peu la musique au Portugal. Ah ouais? Elle n'a pas entendu Ana Free. Ouais, c'est parce que elle a pas écouté la radio, tu vois. Parce que moi, j'y suis allé au Portugal et c'était en 2009. Et ouais, si mais il recherchait qu'Ana Free. Non, mais même j'étais là. Ah, regarde, à la radio, elle passait tout le temps. Mais bon, après, il y a eu des années. C'est normal d'écouter Ana Free Radio. C'est pour ça. Alors, ça pourrait être le c'est gag. Pour ça. Non, mais pour dire que de toute façon, c'est artiste émergent. Donc, elle a cartonné si au Portugal, mais pendant un temps, tu sais, c'est genre artiste Kleenex, quoi. C'est-à-dire un tube. Et puis après, on n'en entend plus parler. Alors qu'en fait sa carrière elle a fait bah s'arrête pas là ouais. Oui hein. Elle s'arrête pas là et elle a pas commencé là non plus tu vois en mais tous les cas, heureusement qu'elle a pas de boule parce que tu les as bien léchés hein. Je veux pas dire mais tu vois j'ai ça eu l'a beau... fait émerger. J'ai eu beau travailler sur des radios commerciales etc où évidemment on avait pas le droit de choisir notre programmation ouais. Mais tu sais, genre, dernière émission, tout ça, je peux passer un titre, s'il te plaît. Il était en train tout ce de que tu veux, tu me payes pas, mais je passe un titre. Et même quand on me disait pas oui, tu le faisais quand même. Passer quand même. Donc il y a eu, effectivement, il y a eu du Ana Free sur. Tu les as gavés, aussi bien que sur du RVA, numéro 1, ou Virgin, ou ce que tu veux. Où t'es passé, il y a eu du Ana Free. Exactement. S'il travaille sur Skyrock, il y aura Ana Free. Oula, c'est pas la même musique normalement. Mais pas les couilles. Mais c'est pas grave, il y aura du Ana Free quand même. C'est comme ça. Ah, et puis c'est en tout cas, nous, on n'a pas Ana Free là, on a Noga RS, Industry Baby, ah, yes. Et de Lil Nas, il me semble. Lil Nas X, oui. Exactement. C'est ouais. Sur Indestar. Peck Avenger, c'est comme dans Dragon Ball. Oui, allô. Je n'entends rien. Oh, excusez-moi, mais mon téléphone est à faune. Mais en différent. En différent, vu que nous, on nous entend, contrairement à Tortue Géniale. Ouais, par contre, on fait des blagues à peu près dans le même style. Hein. C'est ça. Ouais, c'est mon téléphone est ouais. À faune. C'est vrai que ouais, c'est à peu près du même niveau. On donc. Se demande qui écrit ces petites blagounettes. Hein. On se demande, oui. Toujours, oui, sans doute. Ouais, non, c'est clair. Hein. Si vous avez envie d'écrire un jingle, vous pouvez. On est aussi société de production que des stars. Ah ouais, non, mais clairement. Ça, oui. On fait tout habillage sonore. On s'amuse bien. En tout si cas, vous venez d'arriver, bah, vous avez raté, on va dire, les trois quarts de l'émission. Donc, n'hésitez pas à écouter les podcasts. Bah, vous avez arrêté l'émission en entière. Oui, alors c'était pour être gentil un petit peu. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller sur indestar.fr pour avoir tous les. Ah merde. Tout le contenu. Voilà, tout le contenu. Merci, Teddy. J'avais oublié le nom. Donc, ou sur Spotify, Deezer, tout ça, pour retrouver nos podcasts. Donc là, ce soir, on parle radio. Et c'est vrai qu'il y a un élément où de la radio, moi, je m'attends pas forcément à la voir, c'est quand même au cinéma. Et oui, les radios sont parfois vedettes de cinéma. Et en plus, vedettes. Oui, vedette, hein, c'est pas juste le poste de radio qu'on allume. Vedette, c'est pas la machine à laver ? Si, si, c'était, la vedette était la vedette dans le cas présent. Hein. D'accord. Oui, alors on la retrouve dans... Alors il y a des films dits cultes comme Nuit Blanche à Seattle, Le Carter américain, etc. Mais il y a des films moins connus, bon, relativement célèbres, et d'autres vraiment moins connus, où on parle de... où la radio donc est... A une place importante. A une place importante. Il y a en 1989 Radio Corbeau, qui est une radio un petit peu spéciale. C'est dans une petite ville qui s'appelle Saint-Méran. Oui, j'aime bien le corbeau, là, on peut le refaire. Le fond sonore. Mais tu captes mal dans cette vidéo. Il est raté, je crois. Non, c'est pas Radio Canard, c'est pas quoi. En tout cas, c'était Teddy qui nous faisait l'imitation du corbeau. Merci, merci. Merci, merci pour le corbeau. Alors, il y a une. Je peux faire le corbeau. Une radio qui. Qui diffuse un drôle de bulletin d'information locale, ouais. Qui s'appelle Radio Corbeau. Oh, c'est bon, et, ce que ça donne. En fait, ça parle de tous les petits, des petites choses qui se passent dans le village. Alors ça peut être les choses importantes, alors ça peut être les malversations de certains, même les adultères. Ça va alors, parler de tout, ouais. Magnifique, voilà. Sympa, le c'est programme. Vraiment, ça parle vraiment de tout ce qui se passe dans donc le village. Donc en fait, on sait tout ce qui se passe, quoi. Ça a le sens du corbeau, comme dans les affaires criminelles, celui qui envoie des messages anonymes pour faire des révélations. C'est exactement ça, oui. Alors, il y a aussi ce que j'ai beaucoup aimé en 1994. Alors, je vais pas vous en parler trop parce que c'est le début, franchement, qui m'a plu. Ça s'appelle Radio Rebelle. Ce sont trois jeunes qui s'appellent Chaz, Rex et Pipe qui veulent faire connaître leur groupe d'Europe. De rock, pardon, pas d'Europe. Décidément, t'en fais pas mal à alors, qu'est-ce qu'ils font rock. Donc, pour se faire connaître, hein, ils vont, je vais dire, braquer une station de radio pour faire passer leur. Tu passes mon titre. Voilà. Oh. Mais alors, il le braque, ça commence avec un pistolet à eau. Donc, ça donne un peu l'ambiance. On fait ce qu'on peut. J'imagine le truc, quoi. Ouais. Les moyens du budget Indestar. Il y a aussi, en 1988, Catherine Deneuve, qui est une animatrice radio dans Fréquence Meurtre. Ah, eh oui, j'ai été étonné. On a retrouvé Catherine Deneuve, qui d'accord. est psychiatre le jour au service des urgences. C'est qui, Catherine Deneuve? C'est une actrice. Ah oui, mais elle est vieille, tu peux pas connaître. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait une référence à un truc là quand il a dit. C'est un monument français au passage. Oh, ouais. Pas comme la Tour Eiffel, voilà, j'allais le dire. Il y a la Tour Eiffel à côté, l'Arc de Triomphe et Catherine Deneuve, tu vois. C'est dans l'alignement avec l'Arche de la Défense. Ça fait. Cette merveille de France. Faites en sorte que Catherine Deneuve n'écoute pas ce soir Indestar. Ouais, si elle nous écoute, on la salue, hein, évidemment. Évidemment. Ah bon. Ouais, c'est l'Arche de la Défense, hein, pas de la Défense, comme j'ai compris. Hein. Mais non, mais pas. Oh là, moi j'ai compris ça dans les oreilles. Hein. Oh Daniel. Alors peut-être que j'ai. Bon, j'irai chez le l'oreilliste là. Le RL. Je crois que t'auras besoin, ouais. Oui, l'orthophoniste. Non, pas l'orthophoniste. L'oculiste. Non, ça c'est l'ORL. Mince, l'ORL. C'est pas les yeux là. Non, on va pas y arriver ce soir, je crois. On n'est pas bon en médecine. Non, mais c'est normal, la radio il y a que le son, donc les yeux on les a oubliés. C'est ça, oui. Et la nuit elle anime une émission qui s'appelle Nuit de Chine. Wow. Je vous laisse. Donc il y a plein de choses. Et puis alors il y a une histoire d'assassinat de ses parents. Et apparemment quelqu'un qui a des informations, ou j'ai envie de te laisser le suspense, l'appelle. Et il fout la trouille finalement. Ah mince. D'accord. Ouais, alors ça c'est vraiment. Tu nous laisses juste sur le fil en fait. Hein. Ouais c'est ça. Oui, sur il te laisse pour aller voir. Voilà. Totalement. Voilà, oui. Bah il y a des fois j'en raconte beaucoup et puis des fois j'ai pas envie. Alors, D'accord. Là je vais avoir envie sur certains et pas sur d'autres. Hein. Il y a en 2002, c'est au Brésil, ça s'appelle Radio Favela. C'est une radio sur les hauteurs de Belo Horizonte. Ce sont des quatre amis qui créent une station de radio locale et qu'est-ce qu'ils font ? Eux, au contraire de Radio Corvo, ils parlent de la vie de la favela. Donc, d'accord. C'est pas obligatoirement pour dénoncer tout ce qui se passe. C'est un peu quelque part un reality show. D'accord. C'est plutôt positif alors. C'est plutôt oui, plutôt d'accord. positif. Alors, il y a je vais remonter aussi. Ah, j'ai blanc. Peut-être une erreur c'est de un date. Blanc. J'ai peut-être une erreur de date. Tant pis, je donne pas la date. Pump up the volume. Hein ? À tes souhaits. Vas-y, encore. C'est ça. Voilà. Ah, ouais, d'accord. Voilà, c'est dans une petite ville d'Arizona. Donc c'est un gamin qui vient de débarquer avec ses parents. Alors tu parles, lui il arrive d'une grande ville et puis il est un peu paumé au milieu de l'Arizona. Hein. Ouais. Oui. Hein, c'est... Tu n'es pas paumé au milieu de l'Arizona. Les scorpions, les serpents, ils sont pas paumés. Bon, ils savent pas où ils vont non plus. Ouais. Alors finalement, il utilise une radio. Il arrive à communiquer avec ses amis. Alors j'adore le pseudo. C'est pour ça que j'ai relevé la. D'accord. Harry Latrick. Ouf. Harry Latrick. D'accord. Ça change de Harry Potter. Hein, avec ouais, c'est pas la même, ouais. C'est pas la. Voilà. Et c'est marrant que tu parles de ce titre-là parce que Harry Latrick. Non, je connais pas le film, mais il y a une émission. Alors je sais plus si c'était sur Virgin, sur une autre radio, enfin, qui avait repris ce titre-là pour une émission. Ah. Pam pam de volume là, je sais pas quoi. Ah, oui, il y a aussi un son qui a cartonné qui était une musique de boîte ou quelque chose ah comme ouais ça hein, ah ouais a, ça me parle pas ah oui marché, pump pump the volume pump pump the volume ça y est oui, c'est bah, vrai décidément Daniel ce soir t'as envie de chanter je vois tout à fait quel genre de musique c'est dis-nous. Moi je veux chanter moi je veux chanter voilà, ça y est ça continue c'est sympa hein. Ouais, non mais oui tu vois des fois ce qu'ils endurent hein. Des fois c'est en off j'ai l'impression que quand Daniel il chante c'est toujours la même mélodie en dessous. Il y a juste les paroles qui sortent. Du coup, on peut suivre, c'est facile. Hein. C'est ouais. Ça. Non, mais comme ça, après, vous pouvez au moins. On imagine la mélodie, du coup. C'est vous ça. Vous pouvez faire les chœurs, vous connaissez et déjà. Du coup, on galère. Oui, on galère quand même, c'est ça le pire. Il va falloir que je dépose le rythme à la SACEM quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je crois, ouais. Hein, ouais. C'est vrai. Est-ce qu'ils acceptent les bandes sonores venues d'Indesar ça, je ne sais pas. Nous, en tout cas, évidemment, on les accepte. Alors, ce qui est extraordinaire quand même dans ce film Pop Up the Volume, c'est que finalement, ce Harry Latrick devient la voix de la rébellion dans son lycée. Et il devient Trickman. Ah bah alors évidemment oh là là, t'es dit. Avec Trickman l'administration est pas contente mais par contre une certaine Nora Diniro aimerait bien savoir qui est ce Harry Latrick. Je ne suis pas c'est trop bizarre comment tu ouais, dis ça. Ouais, c'est bizarre ouais. Non, on avait et bien j'ai... la fesse hein. Ah oui. Là, qui a commencé en radio hein. C'est pas lui qui était dans la vie de mon cul justement. Quoi si, ah, mais si, c'est lui. Non, non, mais c'est quoi ces vannes là c'est pas non, mais c'est vrai. Non, c'est Pierre Bonte avec l'histoire de mon cul. Non, mais sur Carbon 14 à l'époque, il y avait Jean-Yves de la Fesse et il y en avait un autre. Tu vas il est trop en train vite. De tout spoiler parce que je vais en parler justement. Oups. Tu vas trop vite. T'auras le pouf temps de parler de. Eh ben, puisque c'est comme ça, je vais parler d'autre chose que j'avais pas prévu, tiens. Quoi il y a alors... en 2009 un film qui s'appelle Envoyé très spéciaux, qui est avec Gérard Lanvin et. Ah, j'ai un trou de mémoire. Il est connu aussi, oui. Ouais. Ah, zut. Bon, tant pis. On trouvera après, t'inquiète. Voilà. Patrick Timsit. Ah. Ouais. Voilà, c'est ça. Certes. Ce sont deux grands reporters qui doivent partir en expédition, en guerre. Reportage. Oh là là, décidément. Ben, justement, pour couvrir la guerre d'Irak. Ouais. Okay. Sauf qu'il y a des deux, l'abruti, je vous laisse deviner lequel des deux, entre Gérard Lanvin et Tim Patrick. Timsit, je suppose. Oui. Ouais. Il jette dans une poubelle les billets d'avion et 20 000 euros destinés au voyage. Ah bah bravo. Mais alors c'est que finalement ils veulent pas passer pour des andouilles parce qu'ils ont dit qu'ils partaient là-bas. Donc ils montent une émission de chez eux et ils montent comme s'ils étaient sur place. Avec les bruitages et tout ça comme s'ils étaient en guerre. Ouais. Et donc ça fonctionne. Et ça fonctionne. C'est, voilà. Et finalement il se passe plein de choses. Ils simulent un enlèvement parce que il se passe. Et puis alors là. Mais je me demande, tu vois, si, alors je sais pas, hein, mais peut-être que sur ce scénario de film, le fake, en fait, quelque part, hein, on est là-dessus, peut-être que c'est aussi une manière de dire aux radios, bon, on vous a capté aussi avec vos faux auditeurs et vos fausses pièces de théâtre, etc., tu vois. Ça peut, ouais. La fake radio comme ça, qui est pas nuisible en soi, mais qui, bon... Qui est fausse, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai, parce que le plus gros élément qui pourrait nous dire que c'est faux, c'est quand même 20 000 balles pour partir en Irak, quand même. Bah ouais. Je suis sûr que t'as des vols à 15 balles. Hein. Je peux pas te mentir, même non, gratuit, des fois. Des allées simples. Non, mais il y a le séjour aussi. Oui, oui. Je plaisante évidemment, mais je suis sûr que ça coûte pas 20 000 balles quand même. Hein. Non, mais tu sais, Linda, finalement, on va pas le réinviter, Théo. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il en dit trop. Il te spoil tout. Ouais, il spoil tout, mais il connaît trop de choses. Ouais, il connaît trop de choses. Il spoil tout, hein, parce que le dernier film dont je vais parler, justement, c'est un peu basé aussi là-dessus. L'origine du film est basée sur l'histoire que. Bah, il y a des fake news, il y a des gens qui. Bah, c'est un peu comme là, qui montent. Des reportages alors que je peux te parler d'un film qui m'avait marqué aussi parce qu'il y a eu un film d'ailleurs sur Radio Caroline ouais mais non j'en parle pas parce que Radio Caroline c'est quand même connu Radio Star Ça te dit quelque chose? C'est sorti, ça fait pas très très longtemps, 2014-2015, quelque chose comme ça. C'est qui joue là-dedans? Je l'ai pas retenu, non. Y a Manu Payet. Ah! Qui joue dans le film, oui, parce que. Oui, bah, ça y est, je vois lequel c'est. Ouais. Je l'ai pas retenu parce dans que les... justement, il y avait des animateurs et je me suis dit, il y en a un qui va en parler. Ah, d'accord. Voilà, d'accord. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais Manu Payet, alors qui à l'époque où il a fait le film, ne faisait plus de radio parce qu'il avait commencé sur Énergie, etc. Mais à l'époque, il faisait plus de radio. Et ça a été tourné dans les studios d'RTL2. Et c'est marrant parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure, Linda, quand tu parlais de. Non, c'est toi, Daniel, qui. Je sais plus qui. Ouais, qui on parle... s'en fout, vas-y. La radio itinérante. Ou c'est Thierry, je sais plus, vous parliez du radio itinérante qui vous avait marqué. Oui, c'est Thierry, tu disais que les gens étaient sur le terrain. Casino Parade. Ouais. Ah, et oui. C'est un peu le concept de Radio Star où justement c'est une matinale qui fait un peu toujours les mêmes vannes, etc. Et puis ça marche jusqu'au moment où ça marche moins bien. Et le directeur d'antenne leur dit bon, bah maintenant les gars, vous allez, il va y avoir un bus et vous allez aller dans les régions sur le terrain et vous allez faire les matinales comme ça sur le terrain et ça se met à cartonner en rencontre avec la population, etc. Okay. Quoi. Sympa comme c'est une belle idée, moi j'ai envie de te dire. Bien sûr, que c'est une bonne idée. Ouais, alors effectivement, moi j'avais répondu en disant que l'émission dont il a parlé qui s'est passée à l'amphithéâtre, bah, j'y étais. Voilà, oui. D'accord. Ouais, ouais. J'y étais, c'était Philippe Lafontaine, je crois, la vedette. Voilà, si je m'en rappelle bien, c'était lui. Passons à un film que je pense personne ici connaît, mais j'ai trouvé l'histoire assez extraordinaire. Et c'est en plein, justement, sur la période de la radio, c'est en 1950. Il s'appelle « Nous irons à Paris ». D'accord. C'est l'histoire d'une... Encore. Voilà, ouais, on va à Paris encore. Encore. Ah. Encore et toujours. Fais-nous voyager. C'est les bouchons. Qui m'amènent à Paris. Voyager. C'est les bouchons, Paris. Mais c'est pas un voyage. Mais il faut arrêter cette image pourrie. Tu roules à 30, qu'est-ce que tu t'imagines? Bah, sortie du 15 août, oui, c'est souvent des bouchons quand même. Bah, tout le temps maintenant. Et moi aussi, dans mon village, on roule à 30. Je suis désolé. C'est pas une bonne excuse. Dans ton village, je roule à 70. Non, c'est marqué 30. Hein. Oui. Ou alors, il y a marqué 30. Ouais. À Paris aussi, tu peux rouler à 70. Exact. Oui, tu peux, ouais. Ouais, alors c'est l'histoire d'une bande de copains finalement qui plaque tout, qui se lance sur les routes de France. Et puis, bah, ils ont récupéré un émetteur et tous les jours finalement, ils se mettent à émettre et ils créent finalement leur radio s'appelle Radio X et bah, chaque émission finalement, Radio X. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il parle de quoi du coup? Justement, il va en venir. Ouais. Et chaque soir, donc finalement. C'est un petit peu comme chez nous, c'est une chronique, on parle franchement, on dit ce qu'on a à dire, voilà, tout simplement. Je suis pas sûr que ce soit exactement comme chez nous. J'ai dit un peu. Ouais, j'ai vu. Enfin, je crois. Si je l'ai pas dit, on rectifiera sur le podcast pour montrer que j'ai raison, s'il te plaît. C'est ça. Hein ouais. Et donc, chaque soir, alors par exemple, il y a Maman Terrine qui parle, ils font... Tout de suite, lui, il pense Radio... Mais oui, Radio X, forcément. Ouais. Il y a... Ils font des parodies de pubs. Alors, il y a une histoire aussi avec la Vegan Lotus, parce qu'il y a un des gamins, son père est directeur de l'usine qui fabrique les Vegan Lotus. D'accord. Je vais vous donner quelques exemples après, quand même. Et finalement, il y a un tel succès qu'il y a même des vedettes de l'époque, Ray Ventura avec ses collégiens, Henri Salvador... Qui viennent participer aux émissions. Ah ouais? Ouais. Alors petit à petit, ça devient célèbre. Et puis, c'est une époque où la radio est contrôlée, mais devant le succès, devant les vedettes qui viennent, ils laissent un peu faire. Ouais. Quand ils même, ont plus de liberté, quoi. Voilà, ouais. Ils ont un petit peu le droit. Alors, par exemple, ça commence tout simplement. Ici, Radio X, poste clandestin. Prof, ils annoncent tout de suite... La couleur. Je parlais de la Gaine Lotus, alors... Cette émission vous était offerte par la Gaine Lotus. Sponsor. La Gaine qui écrase le plexus. La Gaine la plus chère qui écrase les chairs. Ouais, c'était C'était de la promo déjà. Enfin, on était dans la... dans les pubs. C'est de la parodie, mais voilà, c'est... Ouais. Et pour une Gaine de vente, quoi. Voilà. Alors, nous attendons à nouveau une vedette, chers auditeurs, mais il s'agit malheureusement d'une vedette de la police fluviale qui se dirige vers nous. D'accord. Police fluviale. La police fluviale maritime, quoi. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Non, mais les vedettes... Les vedettes, les bateaux. Ah, les bateaux, oui. Oh, ouais. Pardon. J'y étais pas, moi. Alors, une que j'aime bien, c'est aussi un petit peu une parodie d'une... d'une tirade. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux sur la Marne et la Seine. Wow. Voilà, c'est... Donc finalement, au niveau de l'humour, ils sont dans... On est... Dans l'humour. Voilà. C'est ça, ouais. C'est très humoristique. Non, mais c'est une prémisse de la radio libre, quoi. Oui, c'est complètement, ça, ouais. Complètement. C'est décalé, quoi. Voilà. Et je voulais finir par un film qui, moi, m'a marqué beaucoup, de 1972, dont le titre est devenu une phrase culte. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ouais. Tu vois de quoi je veux... Non, je connais pas. Non. Là, pour une fois, Théo ne voit pas. C'est là avec l'histoire des journalistes qui créent des reportages alors qu'ils ne sont pas allés. Donc, c'est un film de Jean-Yann. Ah, Jean-Yann, ah, voilà. Oui, Jean-Yann qui a eu énormément de déboires avec bien la sûr. Radio. Même moi, je le connais. Ah oui, le... Non, c'est une blague, hein. Je sais pas qui c'est. Pourtant, il a joué dans des films... c'est un acteur. Il est aussi acteur. Ah, je crois que c'était dans le scénario. Gomez et Tavares, par exemple. Non, ça te dit rien. Ah, t'es sûr. J'ai voilà, vu celui-là. Ouais, donc ouais. C'est, je crois, l'ongle de Gomez ou Tavares dans l'un des deux. Donc, il joue le rôle de Christian Gerber, qui est reporter dans une radio qui s'appelle Radio Plus, et qui est dans l'Amérique, Amérique du Sud, l'Amérique latine, qui à l'époque était quand même. Il y avait quand même beaucoup de guérillas, beaucoup de choses qui se passaient, politique. Pour rencontrer un certain Ricardo Salinas, un chef rebelle. Il réussit à l'interviewer. Alors, il faut savoir que c'est quand même le seul qui a réussi à l'interviewer. Il rentre en France. En disant je l'ai interviewé, malheureusement le chef rebelle il veut pas que ça passe, donc après l'interview il pique tout le matériel, il détruit tout, il détruit les notes, donc finalement il a plus de preuves. Bah il repart en vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Alors quand il rentre à Paris, il apprend que finalement les radios concurrentes ont déjà diffusé des interviews. Sauf que lui il le sait, il était sur place, c'est le seul à le voir rencontrer. Ah oui, du coup il peut démentir. Oui, enfin, oui. Sauf que ça plaît pas. Oui. Forcément, ouais. Donc alors il se fait virer, il doit se faire virer, mais comme il y a une magouille, il connaît des choses sur le directeur. Si tu me vires, Je vais parler. Je sais avec voilà. Qui tu couches. Peut-être. Le film ne le dit pas, mais oui. C'est peut-être ça. Alors. On va savoir. Il se retrouve. Il se retrouve lui-même. Oui, oui. Il se retrouve à prendre la place du directeur d'antenne. Ah putain, d'accord. C'est une sacrée promotion. Il passe de viré à. Ah bah, je suis pas viré, je suis un directeur. Ah, il a fait un audio chantage, hein, clairement. Ouais, ça passe bien. On va se mentir. C'est quand même super. Hein, ouais. Et là, finalement, c'est un film qui parle de l'hypocrisie de l'époque, de l'antenne, de ce qui se passe à l'antenne, de ce qu'on dit. Des fake news. C'est ça. De ce qu'on voit pas, alors ça peut être. De ce qu'on nous dit qui existe même pas. Voilà, ça, que ce soit. De toute façon, c'est le film, le sujet, que ce soit politique, industriel, n'importe quoi. Il passe tout en revue. Je me rappelle même d'une scène où il y avait vraiment un qui était le lèche-cul. C'était Daniel Prévost qui joue le rôle. Et il trouve un rôle, c'est. Enfin, une mission à l'antenne. Il lui confie le test des produits justement des industriels qui sponsorisent la radio. D'accord. Et là, à un moment donné, on voit Daniel Prévost arriver en rampant au sol. Et puis Jean-Yann, c'est à peu près comme ça, qui lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, juste avant de s'écrouler, Daniel Prévost répond « J'ai testé les aliments pour chiens, gay, toutou. » Oh. Oh là là. Et il s'écroule, il est mort. Ah mince. Ouais, ça dépend du sponsor, hein. Faut pas tout tester non plus. C'est ça. Sauf que lui, il a tout testé. Hein. En même temps, bouffer de la bouffe pour animaux, voilà. Quelle idée. Ah bah, je suis désolé, il y a certaines bouffes, c'est comestible en théorie. Hein. Ah. Moi, j'essaierai pas. En théorie, hein. Vous non, mais ça dépend. Alors, ce film, finalement, raconte les démêlés de Jean-Yann avec. De toute façon, son franc-parler avec tout le monde des médias. Oui. Mais franchement, au niveau humour. Alors, je l'ai revu il y a pas longtemps. C'est vrai que j'en avais pas le même souvenir. Ça a vieilli. Ça a vieilli. Ça a mal vieilli alors ou... Pas obligatoirement mal vieilli, il faut le regarder avec les yeux d'accord. De l'époque. Sauf d'accord. Que j'ai plus les yeux de l'époque. Je les ai pas on va dire, ça a pas mal vieilli, mais bien. Ça a pas bien vieilli non voilà. Plus. Faut que j'enlève mes lunettes voilà, pour voir l'époque. Comme l'époque. Voilà, c'est ça. Faut vraiment le regarder, le contexte de l'époque et se remettre... Écoute, j'irai voir, je te dirai. Ouais, voilà, j'avais un autre souvenir. Alors c'est vrai qu'il y a le souvenir aussi qui... Mais l'a oublié. Qui joue, ouais. Oui, qui joue. Alors vous ne serez pas étonné d'apprendre que pour produire le film, Jean-Yann n'a trouvé personne. Bah ouais. Donc, et c'est là qu'il a créé sa propre société de production avec, avec un de ses amis. Et la société s'appelait elle, Universal. Sinequanon. Non, mais non. J'aurais bien aimé que ça s'appelle Universal. Ça aurait été vachement drôle. D'accord. Bah après tout ça, forcément, radio, qui dit radio dit musique aussi. Effectivement. Parce que radio musicale. Oui. Exact, Théo. Avec grammatique. Alors. C'est sympa, Teddy, de me mettre des titres comme ça. Tu vas y arriver. In this wall, world. Ouais, c'est wow. Ça. Ça allait. Et dis-le 10 fois le plus rapidement possible. Alors non, pas le plus rapidement là, possible. In this wall, world. In this wall, world. In this... Oh, je la mets. Ouais, non. Oh, les... Pika. PK. Pika. Pika. Bon, laisse tomber, Pikachu, je vais le faire. PK Avenger sur Indestar, de 21h à 23h. Pika. Oh. Oh, je l'aime toujours autant, moi, ce jingle. Il est magnifique. Ouais, même s'il arrive toujours à la fin de l'émission. Hein. Toujours, ouais. Oui. Alors, en vrai, si vous suivez effectivement PK Avenger, il y a toujours le jingle Pika pour clôturer l'émission juste avant le quiz. Ouais, pourquoi? Alors, parce que t'es un grand jingle fan de Teddy, Pokémon. Hein. J'ai un jingle Teddy, mais je préfère le jingle Pika. J'en étais sûr. C'est parce que t'es un grand fan de Pokémon? Non, peut-être mais non. Pas. Peut-être que si, un peu quand même. Hein. Je pense que ça se joue un peu. Juste un peu. J'ai fini Légende Arceus. Enfin, bref. Ah, ouais, déjà. Ah, moi, je l'ai pas fini encore. Voilà. Mais bon, je l'ai peut-être eu un poil plus tard que toi aussi. C'est vrai. Mais bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, et oui, en parlant de débat, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. Non, on va faire un quiz évidemment, oui, parce qu'à chaque émission de à chaque Avenger, Avenger il y a un quiz à la fin. Un petit quiz sympa. Non, je déconne. Avec Teddy, ça peut pas être sympa. C'est pas possible. Ouais, non, le quiz peut être sympa, mais pas Teddy. Déjà, il nous a prévenu la première question, on va galérer alors. Ouais. Ah, j'ai dit que la première. Ah merde, c'est tous les. Alors, moi, tu m'as dit les 5. Oh, c'est ballot. Oh mince. Oui, effectivement, toutes les questions. Alors. Il y en a je confirme ce qu'a dit Linda, que la première. Hein. Les autres doivent être simples. Il y en a une, elle vient de PK Avenger. Donc ça, voilà. En fait, je l'ai fait par rapport au thème de l'émission radio, et je l'ai même fait plus particulièrement sur Indestar. Pour rappeler tout ce qu'on fait sur Indestar, le mieux, c'est de faire un petit quiz. Et ça oui. va vous faire un petit vent de fraîcheur. Arrière, ouais. De retour en arrière. Comme ça, vous apprenez en jouant. Exactement. Avec... Et comme ça, on va pouvoir faire. C'est un peu de l'autopromo. Hein. un petit peu quand même. Hein. Comme beaucoup déjà de cette émission. On n'est pas du tout dans l'autopromo. On s'aime pas trop. Donc... Clairement. Alors, première question. On va parler de Starter. Donc Starter, l'émission du lundi avec moi et Théo et anciennement Antoine. Le lundi de 21h à 22h. Vous l'avez acheté. Voilà. On l'a acheté sous une roue. Voilà. Dans le passage écrasé de roue par un 33 tonnes, le pauvre. Ouais, c'est ça. Il y a même une messe et tout en son honneur. C'est vrai. D'ailleurs, on va en parler la semaine prochaine des poids lourds. Si vous avez écouté cette semaine, la semaine prochaine, c'est poids lourds. Ouais. Et bus aussi. Dans Starter, nous avons fait aussi une émission sur Citroën, André Citroën. Vous voyez qui c'est ? Non, le concepteur de Citroën. Si, si. Ouais. Ah, le père. Ouais. Le mieux, c'est pas de voir qui c'est, le mieux, c'est d'avoir écouté l'émission. Parce que pendant cette émission, on a parlé de la croisière jaune, organisée par Citroën, évidemment. Mais qui des membres de Starter a parlé de cette croisière ? Est-ce moi ? Est-ce Théo ? Est-ce Antoine ? À vos crayons. Je vous laisse un petit temps quand même pour réfléchir parce que je suis pas seul. Hop, c'est fini. Non, je... Alors, en sachant que oui, j'ai eu du mal à me rappeler de qui c'était parce que je. Non, vraiment. Je sais plus. Alors, numéro tu as 3. La 3 oui, donc parce qu'il y en a eu 4 hein, des croisières. Celui que t'as dit en 3ème. Non, il y en a eu 3. C'est qui en 3ème? Non, il y en a 4. Je crois que c'était Antoine. La noire, la jaune, la blanche. Alors, il y a eu la croisière des sables au départ, et après la... Ah, mais je parlais des couleurs, moi. Ah oui. Ouais. Il n'y a que 3 couleurs. Il voyait qu'en delta. Donc, nous avons du Teddy, nous avons du Antoine, Teddy, on Théo. On a même Théo. Un dessin, on va dire. Ouais. Ouais. Un joli dessin. Je veux pas dire, mais on est 6, vous avez tous choisi 2. Bah, ceux qui ont répondu Teddy ont gagné. Oh parce que rappelle, oui, je l'ai écouté celle-là. Je m'en suis rappelé après, c'est moi effectivement qui l'ai fait. Je suis étonné que t'aies parlé d'un sujet aussi oui, intelligent. Et bah, écoute, je t'avoue, il n'a pas eu le choix, on lui a dit la semaine prochaine, Teddy. Croisière jaune. Je plaisante mon Teddy. T'as moins un point. Tu sais ce qu'on non, en vrai, je suis d'accord avec elle dans le sens où je suis pas un super grand fan de bagnole, vous devez le savoir depuis le temps. Pour si ceux vous qui écoutent Starter, ouais. Même sans écouter Starter, on peut le deviner. Hein. Mais je me suis pris au jeu et je t'avoue, j'ai beaucoup aimé faire cette émission. Tu deviens bon, émission. Il paraît, j'ai cru entendre ça. C'est vrai que dans le soufflet du cardan, j'arrive à savoir que. Ah ouais, quand même, hein. Non, mais par exemple, mon père me dit qu'il a un bruit dans le soufflet du cardan et je sais, oui, je sais où c'est, t'inquiète, sans problème. Bah et ouais, je sais où c'est. Il y a plus qu'à démonter. C'est sur la hein. voiture, il sait où c'est. Oui, oui forcément. Tu ouvres, oui. Tu démontes et puis c'est bon. Hein. Non, mais il y a le côté histoire. Ah non, c'est sur aussi. La roue. Donc tu enlèves la roue plutôt, ouais, tu ouvres pas le capot. On n'a même pas besoin d'ouvrir le capot pour se le. Il y a le côté histoire de Starter. C'est pas pas une émission technique, mais une émission plutôt historique. Mais bon, c'est vrai. Dans le principe où j'y connais rien en bagnole, je m'y connais encore moins en histoire de bagnole. Mais du coup, ça permet à tout le monde d'écouter l'émission. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr, c'est ça, ouais. Accessible à tous. Même moi, j'arrive à comprendre. Donc j'ai voilà. Donc c'est dire quand même. Voilà. Oui. Donc si je retiens bien, il y a Daniel et Théo qui ont eu bon. C'est ça. Exact. Ouais, ah, mais les autres vous êtes mauvais. Je l'ai toujours dit. Alors... Vous n'avez pas le droit d'avoir zéro, hein, je vous rappelle. Enfin, non, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'on est très bons. C'est vrai. maintenant, on va aller du côté d'Actu Solite. Aïe aïe aïe. Actu Solite qui se situe le mercredi soir de 21h à 23h. Les mêmes heures que PK. Oui, mais pas le même jour. Oui, oui. En moins bien. Oui. Oh, ça c'est vrai. Bien sûr. Ça c'est le petit tacle des familles. Ça n'a rien à voir, comme bien sûr, évidemment. Bah oui, totalement. Théo, je suis. Je suis d'accord avec toi, Théo. On sait qu'ils vont se venger. Donc mais bien sûr, on les aime bien. Ouais, mais c'est tout. Alors, je suis sûr qu'ils sont gentils, ils parlent pas de nous comme ça. Non, c'est vrai. Et ben, c'est pas grave. Nous, on est méchants. Nous, on n'hésite pas. Qui, dans Actu Solite, fait la chronique Le Chant des Sirènes? Y a pas. C'est pas Le Chant des Sirènes? Non. Le chant des migraines. Le chant des migraines, autant pour moi. Autant pour moi. Le chant des migraines. On se prend pas non plus pour des sirènes. Hein. Je me disais aussi. Oh, le c'est vrai que ça paraît pas cohérent. Qu'est-ce qu'elle foutait là, les sirènes, quoi. Est-ce Anaïs, Amélie ou Jolane? Et du coup, oui, ça paraît beaucoup plus logique. Bah ouais, il y a une certaine logique. Bah ouais, bordel de merde. Désolé, hein, nous avons la Amélie pour Kevin, Anaïs pour Linda, Amélie pour Thierry, Teddy pour Daniel. Ah non, il l'a barré. Non. Amélie, Anaïs et Amélie. Alors évidemment, c'était Jolane, le chant des migraines, je vous l'ai dit, c'est une cohérence. Blague. Non, je déconne, c'est Anaïs. Non, mais ça fait peur, hein. Comme en plus ça se ressemble à la voix, on a. Ah non, voilà. Je suis pas d'accord. Non. T'as mis Amélie? Non, pas du tout le même débit. Ouais. Elles se ressemblent pas du tout à la voix. Hein. Ah non, ouais, elles ont pas la même voix, hein, Anaïs et Amélie. C'est même pas une question de voix, c'est une question d'interprétation. D'intonalité, de l'énergie. La tonalité, oui, l'énergie est pas du tout la même. Ah bah ouais, parce que. Mais même la tonalité. Elle est vachement posée, elle est vachement comme ça. Amélie, elle est. Ça c'est très bien résumé. Ça se fait au moins. Je suis désolé, c'est très bien résumé. J'ai voulu me trouver une excuse pour pas avoir trouvé la réponse, mais bon, bah c'est raté. Mais t'as fini de tout faire tomber? J'ai plus de stylo. C'est pas grave, j'ai pas besoin de stylo pour vous mais mettre. Mais oui, fais tout tomber. De toute manière, vous avez peut-être pas marqué de points sur celle. Ah bah si, c'est PK. Bah si, moi t'as mis les points? Bien sûr. C'est bon. Bien sûr, j'ai oui, pas avant j'ai de eu tout mon faire point, tomber. Alors je le perds pas. Hein. En parlant de points, oui. En combinant le nombre de points de chaque membre de cette émission, en combinant tous les points de chaque quiz, et oui, j'ai fait des recherches. Qui est le membre de PK Avenger qui a le plus de points? Et non, qui en a le moins. Oh. On va viser le dernier. Et non, c'est pas Jolane. Ah mince. Jolane, on t'embrasse. Hein. J'allais dire, je regrette d'un seul coup que Jolane soit pas. Eh oui, effectivement. T'as écouté toutes les émissions? Bien sûr, j'ai compté. Oh mon j'ai Dieu. Déjà mes stats. Oh là là là là. Et donc, t'as tes propos? T'as des propos? Non, allez vous faire foutre. Oh putain, l'enfoiré. Vous êtes tous de PK Avenger, vous devez le savoir quand même. C'est facile. Bah oui, c'est... je viens de penser à un truc. Si vous voulez un indice. Bah oui. Non, je vous donne pas d'indice. Moi j'ai hésité. Pour une raison. Ah oui. Bah oui. Les bâtards. Bah non, ouais, c'est évident en fait. Non, c'est évident. Bien sûr que c'est évident. Non, ce n'est pas Kevin pour la majorité des gens. Mais ouais, tu veux pas faire. Tellement tu veux pas faire au prorata de la participation? Non, justement. C'est parce que effectivement. Sinon, je suis hors jeu, sinon c'est bon. Oui, mais justement, effectivement, Linda, tu te retrouves en dernière position parce qu'effectivement, t'as été la moins souvent ouais, là. C'est ça. C'est pas qu'elle voulait pas être là ou qu'elle est nulle, c'est que franchement. Après, vous auriez pu dire Océane aussi. Bah ouais. Qu'elle a été souvent là. Mais je vous aurais dit, non, elle est pas dans le groupe PK Avenger sur Facebook. Ah, la pauvre. Ouais. T'excuses Facebook. Mais non, mais c'est qu'à part bientôt, c'est pour ça que. Ouais, mais ça. Direct. Ce qui est sympa dans le coup, c'est que je savais que c'était moi, du coup, j'ai un point. Du coup, tu as un point grâce à toi-même. C'est bien. C'est vachement bien. Qui d'autre a un point pour avoir mis Linda? Nous avons Daniel. Oui, j'ai marqué en permanence sur l'ardoise. Donc, faudra que. Personne n'avait écrit Linda à part. Ouais, vous dites que deux. Bah, d'accord. Ouais. Ah, oui. Bah ouais. Ça vole pas très haut. Bah en même temps où tu vois des ailes. Non mais pour ils avaient beaucoup de confiance en moi en fait. Ouais. Est-ce qu'on avait beaucoup de confiance dans Get Stars aussi? Ah excellent Get Stars. Get Stars, une émission que vous pouvez retrouver sans doute certains podcasts. Hein, ouais, je pense. Je crois qu'ils sont toujours dispo. Il faut aller chercher loin. Faut aller chercher loin. Ouais. sur la chaîne de YouTube. Dans Get Stars, nous avons eu un animateur d'une autre émission. Il s'appelait Joachim. Feu à lui. Ah non, il est pas mort, ça. Mais qui a fait l'émission Passion. Vous pouvez aussi retrouver les émissions Passion. Thierry, tu étais dedans. Quel rapport, Thierry. Mais ils étaient dans Passion. Non, mais tu parlais de Get Stars. C'est quoi le rapport? Parce que Joachim a fait ses débuts à Indestar dans Guest Stars. Ah ouais, peut-être. La première peut-être. Fois, il est venu en tant que joueur. Je vous rappelle, ah oui, Guest Stars. Exact. Vous affrontez deux joueurs qui s'affrontent. Mais qui était on l'adversaire? Deux joueurs qui s'affrontent. Bah non, deux personnes qui s'affrontent lors de plein de jeux. Et un des deux gagne à la fin. Joachim a participé à cette émission et a trop facile. Lamentablement perdu. Non, je déconne. Il s'est fait exploser Royal défoncé. Par quelqu'un d'autre. Qui était cette personne? Trop face. Je ne donnerai pas d'indice, je m'en fous. Non, n'en donne pas. Pas la peine. La violence. Ouais, fallait avoir suivi. Alors, effectivement, fallait être là ou avoir écouté certains podcasts, hein, j'imagine. Ouais, Océane, là, Océane, c'est beaucoup, ouais. C'est très dur pour toi. Bon courage à toi. Bienvenue au club. Tu t'as pas dû connaître. C'était bah, la bonne vieille époque, je dirais. C'est Théo? Non, bah non, Théo, il animait. Ah, bah alors, je savais pas. Attends. Vas-y, t'as une deuxième chance, de toute façon, t'as perdu. Thierry, non, il affrontait pas Thierry. Ça aurait été vachement marrant, mais non. Non, ce n'est pas moi non plus, Daniel. Retente ta chance. Je sais pas, ouais, c'est bien vu. Nous avons. C'est quoi ce truc? Ma. C'est un camion. Mais non. Maëva. Oui. Maëva, oui, effectivement, Maëva. Il a affronté ma copine en duel et il a perdu. Hein, sur... J'avais trop envie de le dire. Mais oui, c'était Maëva. Donc nous avons un point pour Linda. Et comme je vous l'avais dit, Théo est vachement avantagé. Hein. Il a un point aussi. J'ai, enfin, sur le moment, ça m'est pas revenu. C'est après, ouais, ah, je, si, oui, si, si, c'est ça. Non, ouais. Mais, ouais. Ouais. Mais comme j'ai dit, Teddy, qui est le copain à Maëva, est-ce que j'ai un demi-point? Non, parce que j'étais déjà présent sur Get Stars pour faire autre chose. Ouais. Ah. Je faisais des jeux. Il faisait Kevin. Oui, Kevin, le coach Kevin sportif, le cher. C'était excellent. Ouais. Il y avait déjà un Kevin là. Il y avait déjà un Kevin, le coach sportif. C'était le caricature. Il était pas très valorisé. Ouais, voilà. C'est la caricature en fait du Kevin. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Hein. Connaissant Teddy, ça m'étonne pas. Il avait tous les accessoires qu'il allait bien. Je crois que c'est moi qui avais choisi le nom. Il nous faut un Kevin. Un Kevin ou un Dylan. Oh. Mais il a dit non, pas Dylan parce que c'était mon ami avant. D'accord. C'est vrai. Maintenant, dernière question. Je vais vous demander une définition. De. Ouais. De radio. D'une abréviation. Non, comment on dit quand il n'y a que des lettres là? Oui. Un acronyme. Ouais. Un acronyme. Oh là là là là. Je veux le. Ce que veut dire l'acronyme JVDLL. Ça existe. Ouais, c'est effectivement, ce que ça existe et ça a un peu un rapport avec Indestar. Bonne chance. Ah, je sais. Oh, je sais. Moi aussi. On en a parlé souvent. C'était. Je sais pas. Ouais, je chute. C'est nul ton indice en plus. J'ai pas donné d'indice. Ouais, bah justement, tais-toi alors. Ok. Alors, je vois qu'il y a des stylos qui écrivent. Kevin a l'air inspiré. Il écrit une phrase, lui, carrément. Ça me rassure, c'est que tu m'emmerdes. Écrivent, voilà. Ça te va? Non, il a pris du temps pour écrire tu m'emmerdes. Je m'attendais à vraiment une réponse. Non. Mais bon, tant pis. Daniel qui réfléchit est perdu. Du côté de Théo, je pense que nous avons la réponse, évidemment. Du côté de Linda aussi, oui. Thierry, peut-être que toi. Ah, littérature. Quoi? Vraiment? Oh putain, et je comptais sur toi là, quand même. Bah, j'ai écrit une grosse connerie. Je veux des langues longues. Oh là là, langues. C'est la même chose. Mais pour en faire quoi? Bah, ça fait JVDLL, hein, c'est ma version. Hein. C'est vrai. Océane, une petite idée? J'ai vu de la lumière, ça te parle pas? J'ai vu de la lumière. Et c'était une très belle émission également. Une émission qui était présentée par un Clément Jouteux. Si tu nous écoutes, Clément. On te fait bonjour. Bah, une coucou, émission Clément. De. Comment d'improvisation théâtrale. D'improvisation théâtrale, ouais. Une émission qui était disponible sur Indestar. Les podcasts sont toujours disponibles, évidemment. C'était le bon vieux temps. D'ailleurs, qui s'amusait à faire des choses. Oui, bah après, on peut retrouver un petit peu de cet esprit-là dans les enquêtes d'Actu Solide, hein, ouais. Mais dans l'idée de la radio un peu. Mais comme on les aime pas, du coup. On fait pas de pub. Non, mais dans les enquêtes, enfin, le côté un peu imagination, quoi, de la radio, où vous fermez les yeux, vous avez même pas besoin de fermer les yeux puisque vous ne voyez rien. Mais avec deux sons, on peut se retrouver dans un univers et c'est. Et on a passé des excellents moments avec Clément. Alors, le salut d'ailleurs. Ouais. En vrai, je m'y attendais pas beaucoup à ce dénouement. Hein. Mais j'ai pas fait nommer un Non mais pas deux, mais trois Jolan ce soir. Ah mince. Ah ouais. Et oui, oui, oui. Oui, Océane, tu te caches, mais on voit tes lunettes tout de suite. On te voit. Océane, oui, tu as tes roues. Thierry aussi et Kevin aussi. Oh, salut. Ouais, bah dis donc. Il faut réviser vos cours d'Indes. Ouais, mais t'as fait des questions pour les anciens, plus ou moins. Bah ouais, c'était bah, plus... Ouais. Je voulais faire des questions les sur anciens, l'historique, effectivement, d'Indes. Il y a plus des questions cette année, là, quand même. Et c'est vrai que oui, ça date que de l'année dernière ou ouais, juste l'année d'avant. Ouais. Après, bien sûr, il y a des gens, ils étaient pas là. C'est pas la question. Non, mais j'étais pas là. Les questions sur Starter ou sur Actu Solide, on est d'accord, ouais, que c'était cette année. Le but c'était de vous donner un peu envie de découvrir ce qu'on a fait avant, évidemment. Ça nous de rappelle. Se rappeler. Ouais, en faisant faire une Jolan, ouais, tu me donnes vachement le envie quand même. Oui, mais, bah, peut-être que t'auras plus envie de faire une Jolan la prochaine fois. En vrai, merci, ça rappelle de beaux souvenirs. Bien sûr, Get Stars, ouais, Passion. J'ai oublié le reste. J'ai vu la lumière. Enrôlé dans la folie aussi, qu'on a fait Vita Conso. Oui. Il y a eu plein d'émissions qui se sont déroulées sur Indesar que vous pouvez réécouter, qui sont encore disponibles. Et vous avez des émissions là actuelles qui sont disponibles. Et vous aurez d'autres émissions l'année prochaine qui Les émissions à venir qui seront disponibles, voilà, également. On a fait beaucoup de choses et on en fera d'autres. Bon, j'ai un nouveau concept, les gars. Vas-y. Je voulais pas vous en parler jusque maintenant, mais maintenant nous ferons des émissions qui ne seront pas disponibles. Wow, alors ça peut être fun. Et dans quel intérêt, du coup, si c'est une pas émission, disponible non, mais une émission que nous ne pourrons pas écouter. C'est éphémère. D'accord. Ça, voilà, ça passe, ça s'efface. Ah non, mais même pas. Ah, même pas. Même pas, tu vois. Les autres là, tu fais de la radio, personne ne pourra l'entendre. C'est un nouveau concept, ça s'est pas encore fait en radio. D'accord. Vu que t'as dit moi ou ah oui, c'est des oui, j'ai pour la Jolan. Nous avons Daniel avec 2 points quand même. Wow. C'est pas mal. Wow. C'est déjà bien. Wow. Et nous avons Linda et Théo qui se battent pour la première place, ouais, avec 4 points. Excellent. Ça me fait un peu chier. Linda. J'aime pas quand il voilà y a des égalités comme ça. Là. Eh ben il faut faire une question subsidiaire, mais tu ne l'as pas. Bah ouais, fallait que j'y réfléchisse, quoi. Merde. Non, mais je suis contente. C'est bien la première fois que je suis devant. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, quoi. Ouais, mais c'est pour ton retour. On a été gentils. C'est pour surtout ça, pour remonter mon score de nul. Je suis un peu moins nul. Comme je l'avais annoncé, il y avait le privilège. Théo avait un privilège quand même d'être là quasiment partout. Ouais. Et Linda a un privilège d'être ancienne. Ouais. Du coup, on divise leurs points par 2. D'accord. Tu fais 2, donc 3 égalités. On est quand même dans le podium. Hein. Effectivement, vous êtes quand même premier. Donc premier final, égalité. Ouais. Voilà. Ça sert à rien. Mais dire Daniel, ça. Tu deviens premier aussi. C'est ça, oui. Oh là là. Par extension. Ouais, ça y est, quand même, enfin. C'est quoi ce juge à 2 francs Tu peux même diviser par 1000, on sera jamais dernier. C'est ça. Ouais. Kevin, tu peux multiplier par 2 aussi si tu veux. C'est bien. Mais... Ouais, mais ça fera quand même une Jolan. Ça ne fonctionnera pas. C'est fini pour moi. Merci. Allez, hop, salut. Bah après, on peut annoncer les autres émissions quand même. Avant, bien sûr, même si j'en ai peut-être pas assez parlé pendant le quiz, dis-donc. Ah oui, non, parce que la semaine prochaine, il y a Sport News, il y a Tout est dit, il y a. Oh, excellent. Ouais, mais j'ai pas tout le dit non plus. Le bordel. Je vous laisse en découvrir aussi. Oui. Voilà. C'est ça. Faut pas tout dire non plus. Non, mais il y a pas ça la semaine prochaine. Non, mais il y a pas ça en fait. C'est avant. La semaine prochaine, comme j'ai dit, on va avoir Starter, hein, 21h-22h. Les poids lourds, les bus. Ouais. Nous sommes les poids lourds de la radio. Nous sommes les poids lourds. Surtout moi. Bah mais t'es pas présent ce jour-là, c'est bizarre. T'es pas présent, oui. Tu devrais être présent si tu es un poids lourd. Mercredi, donc on a Actu Solide de 21h à 23h. Ouais. Et vous allez où? Ah bah je vais te dire ça parce en forêt, que en montagne. Ah bah d'accord, il sait Théo pas. Martine à pas la plage, Martine je sais pas. Martine à la plage. Oui, Martine parce que c'est un peu ça les thèmes. Martine fait la cuisine. Tu peux mettre Martine quelque part. Non, d'accord, on va aller s'amuser, on va dans un parc d'attractions. Martine au parc d'attractions. Ah bah tu vas au moins faire quelque chose du coup. Attention, c'est pas la fête foraine, c'est le parc d'attractions. Ah merde, c'est pas pareil. C'est pareil. Non non. Au parc d'attractions, t'as aussi des forains. Ah ouais non. Et c'est parti. Et c'est... Si. Bah tu peux bien là, le faire. Là c'est plus le parc Astérix ça tu vois. Ouais. Ah ouais ça fait pas okay pareil. Ah ouais, ouais c'est pas la même. Ok ok. Bon tu trouveras bien. Mais tu feras une boîte forain quand même. Non non. Mais non. C'était voilà pas prévu mais après si vraiment si vous insistez. Vous voulez, pourquoi pas. Et bien évidemment le jeudi Pékin j'imagine. Oui Kevin, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait dans Pékin ce Alors on va parler de sons donc des bruitages, les sons qui sont célèbres. Ah. Un petit peu. On va aller faire un tour là. Là. Là. Là. Là. Là. Là. Bah là. Là. Là. Dans là le bruit quoi. C'est ça. On va aller voir les bruits tout et ça. On n'oublie pas demain quand même, il y a une belle émission demain. Ah oui, demain. Ah oui. Ah, mais justement, ouais, elle va être magnifique. Je comptais laisser Daniel en parler vu que bon. Je pense que ça va être la meilleure émission qu'on ait fait un vendredi. Oui, parce que là vraiment le printemps arrive et nous allons nous ouvrir les fenêtres de nos maisons, wow, les fleurir il y aura des avec petits oiseaux, nos fleurs. Magnifique. Et évidemment, donc voilà, on va parler de maisons et de jardins. Oui. De jardins secrets, j'espère. Donc vous aurez bien compris qu'on va foutre un petit coup de marouf sur le papier. C'est qui qui a marouf là c'est, marouf c'est dans Brico d'épaule. Ouais. Non, non, non, c'est la fille d'Amido. Oui, là. Ouais. Oui, Valérie d'Amido. Voilà. On va maroufler de la fleur sur le mur. Ouais, et ben, on va essayer de parler de qu'est-ce que vous aimeriez dans votre maison, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Moi j'ai envie votre de parler de jardin chinois par exemple. Chinois, tu vois. Ouais, ouais. Moi, je vais vous parler, comme j'ai dit, un spoiler de les gens qui veulent vivre, comme on dit, hors réseau. Ok. Et qu'on peut vivre. Tu débranches le wifi, c'est bon, c'est ça ? Voilà, moi, j'apporterai un gobelet demain. C'est tout ce que je vous dis. Ah, c'est de l'écologie peut-être aussi. Ah non, c'est un gobelet en plastique, hein, vraiment. Merde. Non réutilisable. Qu'est-ce que tu vas foutre avec un gobelet ? Tu le jettes dans le jardin et tu regardes ce qui pousse. C'est ça. Je dis pas la suite, il y aura un gobelet, c'est tout. D'accord. Bah, en tout cas, sur ce, nous, on va vous laisser. On va aller se coucher, hein. Oui. Avec ouais. Surtout le boulanger, on reste là. Ouais. Oh, il est 23h44. Ah ouais, le boulanger a besoin de dormir. Ouais, je travaille tôt. Demain, il travaille tôt. Ouais. Tiens, Théo, tout à l'heure, tu me parlais DJ Zebra, donc ouais. Sous le désir. Il y avait quelque chose avec, tu veux bien raconter ce que c'était en gros. Ah non. tu veux dire le mélange de musique. Voilà, le mélange. Ouais, oui. Et ben, il y a du Noir Désir avec. Et ça te saoule. Non, c'était quoi ? C'est. Attends. L'homme pressé de Noir Désir et avec Aretha Franklin. D'accord. Voilà, donc tout deux univers qui se mélangent, la soul, le rock et le français et l'américain. Voilà. Ça doit être dingue. On va vous laisser là-dessus en disant au revoir évidemment. Bah oui, c'est quand même parce mieux. Qu'on est poli quand même. Bonne soirée à tous. Des bisous. Puis à la semaine prochaine. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.